Il faut qu'on tue les blancs. Nous aussi, on va commencer à tuer les blancs. Et sous ton soleil implacable, les blancs, on va commencer à se tuer. Bonjour à tous, bienvenue sur Démocratie Participative, épisode numéro 3 hein, de notre saison. Alors avant de commencer, je lance un appel à tous ceux qui nous écoutent quand même pour nous envoyer des messages, des suggestions ou pour nous faire part de leurs sentiments divers et variés, hein, pour nous écrire sur notre boîte email. Et j'invite donc tous ceux qui nous écoutent à la prendre en note et à nous écrire, c'est démocratie participative. Alors démocratie sans accent, participative, tout ça en un seul mot, @mail.ru. Je pense que le message sera passé. Alors aujourd'hui, bah, comme d'habitude, hein, on a les habitués de l'émission, on a Laurent Groson avec nous. Comment vas-tu Laurent? Ça gaze? Ça va très bien, mais j'ai quand même une nouvelle à vous annoncer. C'est que je me retire de la vie politique et particulièrement de l'extrême droite, parce que bon, faut le dire, l'extrême droite quand même, c'est dégueulasse, c'est triste, et donc voilà, je ne peux plus y participer. Voilà. Alors je sais. Vous allez me dire immédiatement, Laurent, est-ce que par hasard, tu serais pas en train de faire ta fillette pour une simple histoire de cul? Et je tiens à vous rassurer, ce n'est pas parce que je fais maison commune avec Élise Blaise ça n'a rien à voir avec tout ça. Hein. Donc pour moi, l'extrême droite, c'est fini. Et je suis donc là ce soir simplement à titre d'observateur. Hein, voilà. Bon bah le message est passé Laurent, je crois qu'on peut le dire. Derrick. Bien le bonsoir, brave Jean. Écoute, Laurent, tes photos de champignons vont nous manquer. J'ai mis une feuille ce soir. Ah, une feuille, bon, voilà, une feuille qui tombe. Une feuille de chêne. Oh, je suis ému, voilà. Pardon. Bon, Derrick, hein, le plus méridional des Munichois. C'est ça. Fulbert. Ouais. Fulbert. Bonjour. Comment vas-tu, Fulbert? Fulbert va bien, merci. Ça gaze? Ça gaze, spécialement dans les chambres, tout gaze. Gérardus, bon. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Bonjour, et puis j'adresse évidemment toutes mes condoléances à la famille de Laurent. Ah, tiens, pourquoi? Bah, pour ce qui vient de nous. La triste nouvelle qui vient de nous adresser. Il est pas mort, hein, il quitte la vie politique, mais il est vivant encore, hein. Bah, je sais pas, je me pose la question. Je suis d'autant plus vivant que. N'est-ce pas, hein. Mademoiselle voilà. Élise a un certain intérêt pour le cheval, et comme on le sait, les femmes qui s'intéressent à l'équitation. Voilà. D'ailleurs, j'en profite pour passer un message à. Mademoiselle Epona de Northman Impact, hein, je crois. Je sais qu'elle aime le cheval aussi. Alors, on m'appelle Laurent Groson, mais en privé, c'est Laurent Grosob. Hein, donc voilà, s'il y a quelqu'un qui... Voilà, je voulais juste faire passer le message. Hein. Bon, donc ouais, Epona, ouais. Si tu m'écoutes, voilà, envoie un CV à Karine Lemaire Soraya Lehmann et voilà. T'as pas les cheveux longs, mais t'as une jolie queue de cheval. Bah les gars, non, c'est un lâche, hein. Ce soir c'est d'attaque, hein, putain. Bah vu les sujets qui pourraient être abordés, à mon avis, vous allez avoir de quoi parler. MacDav, alors MacDav, comment ça se passe par chez toi? Eh ben écoute, ça ne gaze pas assez, du moins pas autant que je voudrais, mais moi je préfère la remigration au gazage direct, hein. Donc salut à tous. Humaniste, c'est beau, c'est bien. Oui, je suis un blanc humaniste. C'est rare de nos jours. Porovitch. Comment vas-tu? Oh, ça va. Shalom alaikum à tout le monde. Ouais, shalom alaikum, c'est vrai, ça. C'est bien, ça. Ça me plaît c'est bien, pour eux, tu t'adaptes aux nouvelles populations. Ouais, il est prêt. Bravo. Moi, je suis toujours dans l'ouverture. Il est dans la paix. Il est dieudoniste à la base. Hein, c'est shalom, tu vois, c'est la paix. Bon, alors, bon, bah, je pense que le public qui vous connaît pas ou qui vous connaissez un petit peu vous découvre un petit peu plus, hein. Et alors, cette semaine est aussi chargée que la précédente, si ce n'est pas plus. Et on va commencer quand même un petit peu avec les États-Unis. C'est pas la règle, mais force est de constater que les États-Unis deviennent un champ de bataille. Bon, d'abord, pour une première raison, c'est que c'est la première puissance du monde, c'est la première puissance du monde occidental, donc évidemment, ce qui s'y passe, ça compte. Les élections présidentielles se précisent avec des clivages qu'on retrouve en Europe, hein, avec le populiste Donald Trump, très anti-immigration, comme on peut retrouver par ailleurs en Autriche ou en France avec le Front National, etc. Donc, bon, il y a une résonance. Et vous l'avez suivi. Et pour ceux qui nous suivent, qui n'auraient peut-être pas tous les détails, il y a eu une série d'événements qui vient de se dérouler, qui touche effectivement à des violences entre guillemets ou présentées comme telles par les médias aux États-Unis et en France, entre la police et la minorité noire. Hein. Bon, il y a quand même 40 millions de nègres aux États-Unis, il faut quand même On dit préciser. les afro-descendants, Gandalf, hein, s'il te plaît. Ah oui, les afro-descendants. Oui, là, mais ouais, bon, je bosse, je bosse. Donc, comment dire, avant de commencer, enfin de rentrer dans les détails de cette histoire, je voudrais savoir un petit peu, en fait, quel est le traitement en France? Dans l'Hexagone, c'est quoi le traitement? Quels sont les premiers échos que vous avez eus dans la grande presse, enfin, comment c'est présenté? Avant que nous, maintenant, pour nos auditeurs, on rentre effectivement dans le factuel, avec les vraies informations, qu'est-ce qui en est ressorti dans les grands médias en France? Très Est-ce que ça... simplement, très simplement, Gandalf, le traitement en France, c'est qu'aux États-Unis, ce pays là qui était en train de basculer dans la radicalisation, même le nationalisme blanc, hein, aux États-Unis, c'est la chasse aux nègres. Voilà, un nègre s'est fait tuer par un Chinois, donc. Bon, c'est un Chinois, c'est pas grave. Hein. En fait, ce sont les Blancs. Les Blancs oppriment les Noirs. Donc, voilà, là, il y a cinq policiers qui se sont fait tuer. Bon, c'est la faute des Blancs, quoi. Voilà, c'est tout. Hein. Et puis, Oui, parce c'est... que, ouais, parce que, bon, pour enchaîner simplement, c'est vrai que, bon, il y a eu un noir qui s'est fait tuer en Louisiane, un noir sur une population quand même de 300 millions d'habitants aux États-Unis, un noir s'est fait tuer par un policier dans des conditions, bon, qui sont ce qu'elles sont, on en reparlera. Un autre s'est fait tuer dans l'État du Minnesota, et puis ça a déclenché des violences. Et à Dallas, pas plus tard pas plus tard qu'avant-hier, vendredi 8 juillet, cinq policiers ont été abattus de sang-froid par un nègre suprémaciste, hein, qui veut instaurer la suprématie de la race nègre. Bon, ça nous fait rigoler, mais enfin, c'est quand même les faits. Et donc, en fait, il y a un enchaînement comme ça sur moins d'une semaine, et bon, ça permet de comprendre un peu ce qui se passe. Mais en France, on n'a pas raconté tout ça comme ça, certainement pas. Et donc, toi, tu dis, enfin, et vous dites que, en fait, on dit en gros, bon, il y a une fièvre de nationalisme et de racisme blanc aux États-Unis. Les blancs sont pratiquement au bord de basculer dans le nazisme, et soudainement, les noirs qui sont pris d'assaut se défendent, et malheureusement, une bavure, il y a eu quelques policiers qui sont morts, Oui, c'est ça. Et mais... puis, les bavures policières, même quand c'est un hispanique, bon, à l'époque, c'était, comment il s'appelait, George Zimmerman. Monsieur Zimmerman, hein, qui était quand même bien typé, hein, voilà. Là, c'est un Asiatique. Mais en France, dès que ça passe l'Atlantique, comme par hasard, ce sont des nazis, voilà, la police nationale socialiste, hein, Voilà, qui abat des nègres en rigolant, tu vois. Surtout que il présente la police américaine. Moi, ce qui me frappe à chaque fois, c'est qu'il présente vraiment la police américaine comme effectivement raciste, c'est-à-dire les préjugés. Alors, il faut bien comprendre un truc, c'est que concrètement, dans les chiffres, par rapport au nombre de noirs qui sont arrêtés par la police pour tel ou tel fait de violence, il y a proportionnellement moins de noirs qui se font tuer par la police que de blancs, proportionnellement, c'est-à-dire une fois que les populations, donc 13% pour les noirs, etc., etc., sont prises en compte. Donc en réalité, pour les mêmes types de crimes et de délits, un noir a proportionnellement moins de chances de se faire tirer dessus aux États-Unis qu'un blanc. Et pourquoi ? C'est pas compliqué, c'est parce que les officiers de police américains, avec tout le matraquage depuis quelques années, depuis en fait la présidence d'Obama, hein, c'est-à-dire qui enflamme, hein, au contraire de ce qui est expliqué en France, parce que, bon, en France on a dit voilà, Obama allait apaiser les tensions raciales aux États-Unis, ce qui rien n'est plus faux. Et en réalité, depuis la présidence d'Obama, les officiers de police américains sont de plus en plus craintifs par rapport à l'utilisation de la violence, de la force, même légitime, contre des noirs criminels pour quelque raison que ce soit. Donc en réalité, il n'y a pas du tout d'acharnement si on regarde les statistiques, etc., si on regarde les chiffres, enfin les faits, quoi. Et ce qui se passe, c'est simplement qu'à chaque fois qu'il y a une possibilité de faire monter en épingle un noir qui a été abattu par la police dans des circonstances plus ou moins troubles, parce qu'en fait, quand on s'intéresse au sujet, qu'on va vraiment suivre ce qui s'est passé, qu'on s'intéresse au jugement qui est rendu à la suite de ça, par rapport à la culpabilité des policiers, on se rend presque toujours compte que les noirs sont en situation de tort, que face aux policiers, soit ils résistaient de façon agressive, soit ils ont fait des gestes qui donnent le droit légalement, hein, aux policiers de se défendre pour empêcher de se faire tirer dessus. Dans le cas de celui qui s'est fait abattre dans sa voiture, notamment, le policier lui a dit, et ça fait partie de la vidéo, de ne pas aller chercher dans son blouson, de ne pas aller farfouiller pour sortir quelque chose, parce que quand un flic vous arrête, ça peut être interprété comme une tentative d'aller chercher une arme. C'est dit dans la vidéo, et évidemment, le nègre, con comme un balai, va chercher le truc devant un flic voilà, qui est certainement tendu, et se fait tirer dessus. Et le truc, c'est qu'avec des blancs, parce que voilà, QI à trois chiffres, etc., ce sont des choses qui n'arrivent pas. Hein. Mais tout ça pour dire que... T'as raison. Non mais t'as raison, parce que c'est... On allait y revenir, je vais y revenir en détail, mais le fait que ce soit un Asiatique, on a un exemple qui est flagrant avec Libération qui a dit « un policier blanc tue un noir », et soudainement, on a la presse française qui découvre les réalités raciales, parce que d'habitude, vous voyez, ils voient rien, vous savez, ils disent « Ah, quoi ?» Ils découvrent, mais quand même, ils découvrent pas trop, parce que bon, le policier blanc, il est pas si blanc que ça. Ce que je veux dire, c'est que on a quand même des gens, enfin, pour ce qui concerne la presse française, on a quand même des gens qui nous expliquent à longueur d'année que la couleur de peau, que l'appartenance raciale, tout ça, c'est de la fiction, que ça n'existe pas, qu'il faut pas les mentionner, que les statistiques ethniques, c'est insupportable parce que précisément, ça n'a aucune pertinence, et qu'à la première occasion, quand il y a une violence aux États-Unis soi-disant policière, viennent vous foutre le blaze racial de la victime, quoi. Et attendez, faut savoir, est-ce que c'est pertinent ou est-ce que c'est pas pertinent? Bah en fait, ça dépend. Et bien sûr, comme toujours avec des gauchistes, ça dépend de l'occasion, parce que c'est ce vieux vice trotskiste qui se résume à un raisonnement extrêmement simple. L'occasion fait le larron. Voilà. Oh. Alors si la victime est un nègre, on exploite. Si la victime est un blanc, on exploite surtout pas. Voilà. Oui. Si la victime est un blanc, il s'agira bien évidemment, le coupable sera un jeune, hein, n'est-ce pas? Qu'il ait 30 ou 40 ans ou 16 ans, ça sera un jeune. Vous avez compris? Ça soit un délinquant multirécidiviste, violent ou pas, ça sera un jeune. On a l'impression que c'est un mec de 12 ans qui sort du collège et voilà. C'est pas qu'on a l'impression, c'est que, bon, excusez-moi de revenir un peu sur le cas de Trayvon Martin, tué par le policier George Zimmerman, hein, donc le policier d'origine sud-américaine. Dans les médias, les photos qu'on avait vues de la victime étaient un gosse de 12 ans qui limite allait manger sa glace voilà, au camion au coin de la rue, alors que bon, les photos qui passaient sur son compte Twitter étaient quand même d'un autre niveau, hein, c'était tatouage dans l'or et gun, hein. Oui, je veux juste rectifier un truc, c'est que le George Zimmerman n'était pas à proprement parler policier, il était juste agent de sécurité en fait dans le quartier en fait où l'incident est arrivé. Donc en fait, ils patrouillaient un pâté, enfin des pâtés de maison. Pâté de maison, d'accord. Et voilà, mais c'était pas un flic. Mais il n'empêche que de selon la loi en vigueur en Floride, quelqu'un qui a peur pour sa vie, c'est comme ça que c'est expliqué, quelqu'un qui peut démontrer à un jury qu'il a peur pour sa vie, qu'il a peur d'être tué, etc., a le droit de se défendre et d'utiliser la force létale, c'est-à-dire une arme à feu. Et effectivement, l'enquête a démontré qu'au moment où George Zimmerman a tué le Trayvon Martin, le nègre, il était au sol en train de se faire frapper au crâne. Alors évidemment, quand on a un nègre excité en train de vous frapper au crâne par terre dans la rue, c'est compréhensible que le mec ait eu peur de ne pas se réveiller, quoi, et qu'il ait donc eu retour. Il a ramassé une noix de coco, c'est sa tradition, sa culture. Il faut bien le dire aux auditeurs, hein, ça n'était pas un enfant de 12 ans qui a agressé George Zimmerman, hein, c'était un adulte, hein, un nègre dans la pleine force de ses moyens, armé. Hein, et agressif. Et voilà, et clairement hostile, hein, voilà. Et qui se vantait sur Twitter, parce que c'est important de le dire aussi. Enfin, c'est le petit détail rigolo, quoi. Qui se vantait publiquement sur Twitter d'avoir agressé ses chauffeurs de bus quand il allait au lycée ou je ne sais quoi, quoi. C'est-à-dire que le mec était en mode c'est la richesse, quoi. C'est les gens qui viennent nous enrichir. C'est excellent de reparler de Zimmerman et Trayvon Martin, le jeune, hein, qui est un jeune, parce que ça a commencé avec cette affaire-là, l'ultra-médiatisation des affaires de White on Black. Ça a été la première grosse propagande où on a essayé de faire passer l'agresseur pour un ange, Trayvon Martin, justement en utilisant des photos de 12 ans, hein, c'est pas innocent, parce que si on avait mis sa vraie gueule, je veux dire, personne n'aurait marché dans la combine. Et c'est vraiment... Ça, c'est les médias. C'est une manipulation des médiatiques vraiment anti-blanche. Oui, mais ça fait passer Zimmerman pour un blanc, ce qui n'était pas tout à fait le cas. Et ensuite, ça s'est focalisé sur la police. Mais et tout ça, une grosse, grosse manip. Hein. Bah, souviens-toi, par exemple, de l'affaire de Baltimore, je crois en 2015 ou 2014, où il y avait eu des émeutes raciales dans le centre-ville, il y a eu un traitement médiatique énorme parce qu'un jeune noir s'était fait tuer par un policier, et puis le soufflet est retombé de manière quasiment instantanée le jour où on a appris que le policier qui avait tué ce jeune noir était lui-même noir. Oui. Et bien voilà, c'est dès que ça ne sert pas la narration, hein, la propagande de nos amis communistes, ah, tout de suite, évidemment, le soufflet retombe. Ah, ouais. Mais pour parler de Zimmerman brièvement, parce que je vais revenir sur le fil des événements les plus récents, faut quand même rappeler que Obama a pris la parole, donc le président des États-Unis, Barack Obama. Le nègre en chef. Le nègre musulman. Barack Hussein Obama. Voilà, faut quand même le préciser. A dit, si j'avais un fils, il s'appellerait... Hein, voilà, il s'appellerait du nom de celui qui a été tué par Zimmerman, quoi. Du nom du nègre, donc, qui a essayé de... Le jeune. Qui a essayé de l'arciner, quoi, le pauvre Zimmerman, qui s'est défendu avec un peu trop de succès, quoi. Ce qui en dit long, c'est-à-dire qu'en fait, la racaille trône à la Maison-Blanche. La racaille trône à la Maison-Blanche, quoi. Avec Obama, on n'est pas surpris, hein. Bon, on en a parlé les émissions ouais, précédentes. Ouais, mais... C'est ça a été la même chose avec Mama Taubira, hein. Non, mais, Maman Taubira, elle n'est pas présidente de la première puissance mondiale, pour eux. Elle était juste au ministère de la Justice oui, en France. Oui, mais avec le nègre Obama, on est quand même au niveau dessus. C'est le mec qui ferme les yeux sur l'immigration qui vient du Mexique, l'immigration syrienne, hein, qui passe par le Mexique pour venir aux États-Unis. Voilà, tout ce qui est musulman... Tout ce qui est musulman est génial. Voilà, donc, on va préciser, c'est tout ce qui n'est pas blanc est génial. C'est comme ça que ça marche. Hein. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, parce que j'ai envie de rentrer un petit peu dans le détail, parce que on pourrait se dire a priori, bon, une fusillade aux États-Unis, il y en a tellement, il y a beaucoup d'armes. Vous savez, il y a beaucoup d'idées reçues comme ça sur les États-Unis. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'armes qui circulent aux États-Unis. C'est vrai qu'il y a des tirs, des échanges de tirs. Il y en a aussi à Marseille, hein, ceci étant dit. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau, et il y en a dans d'autres pays. Mais nous avons affaire à une suite d'événements qui sont politiquement extrêmement chargés, qui peuvent avoir des conséquences importantes, politiquement parlant. En introduction, j'ai parlé de Dallas, et l'événement déclencheur, ça a été le suivant, c'est le meurtre d'un nègre à bord de son véhicule, comme vous l'avez vu, en compagnie, si on veut, d'une concubine ou de sa compagne, je ne sais pas exactement. Ce monsieur, donc cet Africain ou cet Afro-Américain, comme on doit dire, s'appelle Philando Castile. Il a 32 ans. C'était un employé scolaire. Un employé scolaire. Et alors, pour ceux qui ont pas, la particularité de cet assassinat, et d'ailleurs, c'est de plus en plus récurrent. C'est-à-dire qu'il circulait en voiture aux côtés de sa compagne et les faits ont été filmés. Et plus encore, sa compagne, donc la négresse qui était avec lui, a mis l'événement sur Facebook et on voit le nègre ensanglanté sur son côté s'effondrer. Et la négresse qui, comme l'a fait remarquer un certain ami américain que l'on connaît tous, a fait preuve d'un grand sang-froid, pour des raisons très précises. Et, comment dirais-je, on voit simplement un policier pointer une arme sur lui, mais on entend aussi, dans la vidéo qui a été diffusée sur Facebook, par la compagne du nègre, on entend le policier dire « je lui avais dit de pas le toucher ». Alors, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Et ce qui a été très peu rapporté par les médias, à tout le moins français, et aussi très souvent par les médias américains, c'est qu'en fait, le nègre circulait en voiture aux côtés de sa négresse, mais qu'il était armé, qu'il avait une arme aux côtés, et que arrêté par la police lors d'un contrôle routier, on lui a demandé de poser les mains, je présume, sur comment dire, comment on appelle cette partie du véhicule là, poser les mains sur le volant, hein, c'est une procédure tout à fait normale. Oui, il conduisait pas, mais se garer sur le trottoir. Non, il était dans son véhicule. Mais il y a la boîte à gants et au-dessus de la boîte à gants, je sais pas comment on appelle ça. Bref, on lui a dit voilà. Dashboard en anglais, ouais. Ouais, le dashboard, bon, vous posez vos mains là, vous bougez pas. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'a fait la nègre? Eh ben, il a bougé les mains, évidemment. Il a bougé les mains. Et qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a rapproché sa main de son flingue. Donc, le policier, quand il a vu ce flingue, il a dit, tu bouges pas. Qu'est-ce qu'il a fait, le nègre? Il a bougé, évidemment, c'est un nègre. Et quand il a bougé, le flic s'est dit, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me sortir le flingue, il va me le dégainer, il va me le mettre sous le pif, qu'est-ce qui va se passer? T'as 3 secondes pour réfléchir, là. Donc il l'a plombé. Et c'est pas une bavure. C'est-à-dire qu'on peut. Alors après là c'est une enquête de savoir est-ce que le type a eu tous les réflexes qu'il fait. Mais je veux dire, on a quand même des papiers de Libération. Vous allez me dire, c'est un journal d'extrême gauche. Bon, enfin c'est un journal qui a quand même pignon sur rue en France. Les types mettent le titre "Un noir tué par un policier blanc." Un noir tué par... sur le ton affirmatif. Donc, évidemment, en sachant exactement quel est l'inconscient collectif en France, qui est un inconscient collectif marxiste, communiste, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, oh là là, encore un pauvre opprimé noir tué par la police fasciste américaine. Et quand on apprend la réalité, c'est quoi? En fait, c'est un Asiatique. L'officier de police, c'est un Asiatique qui a fait son job et qui a buté un putain de nègre qui était armé et qui a voulu faire le rigolo avec sa putain d'arme. Il a voulu approcher sa main probablement pour faire un petit peu le gigolo, machin, et l'officier de police, il a fait ce qu'on lui a dit, il dit, écoute, entre boucher le veau, mieux vaut de le boucher. Et il a éliminé le nègre. Et moi, je félicite cet officier de police pour avoir exécuté cet ignoble nègre qui a probablement voulu attenter à sa vie. Je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que la morale de l'histoire... c'est que cette affaire va être jugée par une cour américaine, qu'une fois de plus, le type va être innocenté, et qu'après, nos amis marxistes vont encore venir dire que la justice n'a pas fait son travail et que c'est un jugement raciste. Alors que quand on a l'énoncé total des faits, on comprend tout à fait l'attitude du policier, selon les normes américaines, qui n'a rien d'étonnant. Mais oui, alors là, s'il y a des gens qui ont des statistiques là, c'est le moment de les sortir, parce que faut se plonger dans le contexte, quoi, je veux dire. Aux États-Unis, on parle d'une population de 300 millions d'habitants. C'est 330 millions dans ces eaux-là, officiellement, et vous avez 40 millions de nègres. Alors vous allez me dire, c'est colossal, et c'est effectivement colossal, mais il y a des concentrations, et pour pas parler des autres minorités, parce qu'il y a les Mexicains, etc. Et la circulation des armes. Alors, c'est un autre sujet, la circulation des armes. Quand les Blancs ont des armes, tout se passe à peu près bien. Quand des Nègres ont des armes, c'est un petit peu plus compliqué. Et quand t'es un policier, forcément, surtout dans ces zones-là, tu es sur la défensive. Et quand t'as un Nègre que tu arrêtes au bord de la route, dont tu vois qu'il a un flingue à la ceinture, tu dis, le type, il est peut-être susceptible de réagir d'une façon non coopérative. Donc tu es sur la défensive. Tu lui dis de pas bouger, tu lui dis voilà, tu poses tes mains, tu bouges pas. Le type, il t'écoute pas, il bouge les mains, tu vois qu'il les rapproche, voilà. C'est pas ce qu'il va faire. Ça me paraît être complètement légitime et en tout cas, ça a pas du tout été rapporté par les médias français. C'est-à-dire que les nègres dans ces situations-là, ils adorent parce que c'est des putains de macaques dans leur tête, tu vois. Et comme on leur raconte à longueur de journée que ce sont des victimes, opprimées, etc., ils se retrouvent dans un flic qui les arrête, et au lieu de se comporter calmement comme les Blancs, et c'est pour ça que les Blancs ne sont pas tirés dessus en général, hein, n'est-ce pas ? Eh ben, ils veulent faire les malins, ils veulent jouer à la victime, comme s'ils étaient à la télé, quoi. Et personne leur a dit, je ne sais pas, mais les gens qui ont un peu de bon sens aux États-Unis savent très bien qu'on ne fait pas le malin avec la police. Les flics américains, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais ce n'est pas des gens avec qui tu fais le kéké et tu t'attends après à ce que ça se passe bien. Hein. Si tu es là à faire le malin et à ne pas les écouter, ça finit mal. Et il faut croire que les nègres sont incapables de comprendre ça. Ce sont des putains d'abrutis mongoliens qui sont incapables d'écouter quand on leur donne un ordre, que c'est la police, et c'est, je veux dire, il n'y a pas d'oppression là-dedans. Le contrôle comme ça qui se fait, on demanderait la même chose à un blanc, de ne pas aller chercher dans son blouson. Quand le policier sait qu'il y a un flingue, etc., on lui dira la même chose, ne pas « don't reach for it », tu vois, en anglais. Et les nègres sont incapables de comprendre ça. Ils n'y arrivent pas, c'est tout. Donc effectivement, après, se plaindre du racisme. Mais bon, on devrait, je pense, repasser sur spécifiquement, parce que là, on est en train de parler des causes et des, comment dire, de ce qui a provoqué, enfin, de ce qui a servi de prélude à tout ça. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas encore abordé passé à Dallas en tant que tel. Ouais, mais c'est important parce que... T'as raison, mais en même temps, c'est important parce que sinon, on ne peut pas comprendre pourquoi Dallas. Oui, bien sûr. C'est ça le truc, en fait. C'est effectivement l'événement le plus spectaculaire. Bon, ceux qui ont suivi. Enfin, je sais pas tellement parce que peut-être que même probablement en France, il y a eu une espèce de saturation médiatique autour du football ce 8 juillet et on a mis la focale sur ce qui se passait en Europe et enfin au niveau sportif. Oui, sur les. On a mis la focale sur les nègres victorieux, oui, on peut le dire. Voilà. Oui. Et donc, on n'a pas parlé de ce qui se passait aux États-Unis, alors que ça avait des implications politiques lourdes. Ça, c'est un fait. Mais il faut quand même, et on est bien revenu, je pense qu'on a un petit peu posé le contexte, parce qu'il y avait donc deux soi-disant bavures, machins, etc., aux États-Unis, qui ont déclenché les événements de Dallas, sur lesquels maintenant on arrive, et qui sont lesquels ? Bon, bah alors moi je vais être un petit peu factuel maintenant. Accordez-moi donc 5 secondes. Je donne les faits, hein, juste les faits, rien que les faits. Donc on a un individu de race nègre qui s'appelle Mika X Johnson, membre du New Black Panther Party de Houston. Donc le New Black Panther Party, pour ceux qui connaissent pas, c'est un parti raciste noir, hein, extrêmement violent, très radical, qui prône en fait l'élimination des blancs aux États-Unis. Oui, c'est un parti qui prône la suprématie africaine, qui est dans les théories comme quoi les pyramides, les pharaons, c'était des nègres. Oui, même à la Ça limite, presque. nous amène ça Oui, nous non, amène mais assez loin attends. dans le truc, hein. Oui, ça nous amène assez Check contre loin. Diop. C'est presque. Oui, on en est presque à affirmer que les pyramides étaient des vaisseaux spatiaux, quoi. Hein. C'est presque ça, quoi. Hein. Oui, Bah c'est oui, limite la bah. secte en fait, hein. Non, mais c'est une secte parce que comment dire, c'est une tendance en fait qui existe dans le nationalisme entre guillemets noir américain, qu'on retrouve aussi bien dans la Nation of Islam avec Farrakhan, qu'on retrouve effectivement dans le New Black Panther Party, etc., qui est une espèce de vision complètement délirante qui de réécriture de l'histoire où en fait la race noire serait la race des maîtres universels. On sait pas pourquoi d'ailleurs ils sont même pas foutus de faire comment dire, d'envoyer un avion dans les cieux, mais c'est autre chose. Et ils réécrivent l'histoire et ils justifient par là même en fait des réclamations territoriales, politiques sur la race blanche qui serait en fait par contre-coup, enfin dans une lecture inversée en fait, qui serait en fait la cause de tous les maux de la race noire, qui serait la race exploiteuse, etc. Et bon, il faudrait donc lutter contre. Donc ça, c'est leur vision. Enfin, toujours est-il que donc ce monsieur Johnson, donc qui s'est manifesté à Dallas le vendredi 8 juillet, a tiré sur des policiers en blessant plus d'une dizaine, hein, et en éliminant 5. Il y en a dans ces 5-là, il y en a au moins 4 qui sont de race blanche et au moins un qui est d'origine latino ou en tout cas métisse. C'est donc un noir américain qui avait 25 ans au moment des faits. Il vivait dans la banlieue de Dallas et c'était un réserviste, hein, de l'armée américaine. Et il avait été aux États, il avait été, pardonnez-moi, un vétéran en Afghanistan. Alors là, il faut pas non plus trop fantasmer, c'est-à-dire qu'en fait, c'était un charpentier dans l'armée américaine en C'est-à-dire qu'il Afghanistan. Donc servait à construire les camps, quoi. Les camps de voilà, prison. il montait des tentes, quoi. Donc, en gros, il montait des tentes. Mais comme tous ces types-là, dès que tu rentres dans l'armée, Il y a un entraînement militaire de base quand même, oui, ouais, enfin, bon. voilà, bon, c'est un truc, ça va pas très loin, mais bon, tu comprends comment, en gros, bon, il faut leur expliquer quand même, comment tu mets une cartouche dans le machin, dans le truc, ta arme et tout, tu tires dessus, voilà. Bon, ça, il avait compris. Et donc, le Micah Johnson en question, qui avait adhéré au New Black Panther Party, donc au parti raciste en question, avait conçu en fait à son retour de l'Afghanistan une haine rabique en fait pour les blancs et avait décidé de passer à l'action, mais il avait même été considéré au bout d'un moment comme en fait simplement en fait pas trop radical, mais simplement il n'obéissait pas aux ordres du parti. Donc le Black Panther Party avait estimé qu'il fallait le sortir de là. Et enfin, fallait l'exclure, et donc il avait quitté le parti il y a 2 ans ou 3 ans, et il était un peu en loup solitaire. Ceci étant dit, d'après les informations dont on dispose à cette heure, il y avait un autre tireur qui a été interpellé sur les lieux, plus 2 autres suspects, et parmi ces 4 suspects, un certain nombre fréquentait une mosquée de la Nation of Islam, qui est Oh! un. Ah oui, qui est un mouvement radical, comme je l'ai dit, noir et musulman. Et visiblement, notre ami, donc Monsieur Johnson, a estimé au bout d'un moment qu'il fallait passer à l'action. Et d'ailleurs, il faut le dire quand même par honnêteté, parce que bon, c'est quand même un point. Je trouve que ça donne du contraste. Le chef de la police de Dallas est un noir, hein. Ce chef de la police noire a dit. Il a donné les faits, il a dit que selon Johnson, dans ses échanges lors en fait du siège de la place dans laquelle il tenait après avoir tué les policiers, il a dit qu'il voulait tuer le plus de blancs possible et surtout des officiers de police à la suite de la mort des 2 noirs durant cette semaine et notamment de celui sur lequel on est revenu un petit peu avant et il avait envie de les venger. Ce qui aurait expliqué son geste, dixit. Bref, enfin quelque chose d'assez hallucinant. Et je voulais juste terminer là-dessus. Enfin, disons, c'est une introduction un peu longue, mais c'est pour que un peu les gens comprennent ce qui se passe et pour nous emmener sur la suite. C'est que une fois l'annonce faite, il y a eu un nombre incroyable d'appels à travers tous les États-Unis de la part de groupes noirs radicaux à tuer des blancs et à tuer des policiers, et ça a été suivi des faits. Au moment où on parle, on a plusieurs policiers qui ont été abattus sur tout le territoire des États-Unis, et on a toujours d'ailleurs des émeutes qui sont en cours. Il y a quand même quelque chose qui se passe. Est-ce que c'est pas quelque part une guerre raciale qui est en train de démarrer ? Bah, je sais pas si on peut l'espérer, mais en tout cas, il me semble, moi, que les Blancs sont quand même toujours bien endormis, c'est-à-dire que la population qui regarde la télé, qui est quand même bien normalisée, bien zombifiée, trouve toujours en quelque sorte des excuses honnêtes, c'est-à-dire les gens ne connaissent pas les statistiques raciales, ils ne connaissent pas les statistiques du crime pour la majorité, et c'est quand même important de revenir là-dessus, c'est-à-dire que, comme tu l'expliquais, tout ça c'est dû à une mentalité vraiment victimaire, voilà, comme quoi les Blancs seraient responsables de tous les maux, etc., etc., toutes les mauvaises choses qui arrivent à la race noire, et simplement... si on s'intéresse aux statistiques de la criminalité aux États-Unis, on se rend très vite compte que les Noirs commettent, alors ça c'est les statistiques officielles, hein, je crois que c'est le département de la justice, si ce n'est pas le FBI, mais en tout cas les Noirs commettent à peu près autant de meurtres, hein, pour les meurtres spécifiquement, que les Blancs, sauf qu'ils représentent 13% à peu près de la population. C'est-à-dire que concrètement, je ne sais plus combien c'était exactement, mais un noir en gros a 6 fois, je sais si c'est de 4 à 6 fois plus de chances de commettre des crimes graves que des blancs. Et une deuxième chose, c'est que quand on partage par sexe, on sait que 90% des homicides aux États-Unis sont commis par des hommes. Donc ce sont des hommes qui tirent le coup, etc., etc., et qui abattent quelqu'un. Et donc quand on ramène ça sur les statistiques ethniques, on se rend compte que ce sont des hommes noirs qui commettent à peu près 50% des meurtres aux États-Unis. Ce qui ramène les hommes noirs, c'est à peu près 6,6, à peu près 7% de la population. Donc on a en fait, grosso modo, entre 6 et 7% de la population aux États-Unis, qui sont les hommes noirs, qui commettent la moitié des homicides volontaires. Voilà. Des meurtres. Donc c'est quand même assez c'est notable, hein, je pense. Bah, ce qui est légitime, effectivement, de les déporter, de les f*** tous en masse, effectivement. Non, mais ce qui est légitime, en tout cas, une certaine méfiance, comme le policier de Dallas a pu l'avoir en voyant ce noir mettre la main dans sa veste, quoi. Bah, t'es très tolérant, parce que moi, j'aurais oui, un peu oui, non, mais excuse-moi, pardon. Non, non, pas de t'excuser. Je note que tu es plus humaniste. Alors ouais, moi j'ai envie de remarquer... Ce qui est terrible, ouais, c'est qu'en 2016, tu vois, vu que maintenant les nègres ont accès à Internet, c'est pas très compliqué d'utiliser Internet à l'heure de la 4G, ils prennent ça pour argent comptant, et évidemment ça, cet incident qui n'a pas d'intérêt, c'est-à-dire c'est même pas un fait divers, c'est-à-dire c'est une réaction logique d'un flic qui s'est senti menacé, ça peut déclencher le feu dans les cités négrifiées françaises. Ça, c'est quand même terrible. Et pour revenir à la presse française de merde, je sais pas si vous vous souvenez de l'affaire Dylan Roof, qui a buté 9 nègres dans une église méthodiste américaine, je crois que c'est l'African Methodist C'est plus compliqué que ça. Ça mériterait de revenir sur l'église en question, mais je t'ai... Oui, continue. Oui, enfin, c'était quand même des suprémacistes nègres. Voilà, mais les gens savent pas ça, parce que, en fait, bon, c'est une aparté, c'est pas pour te couper, mais il faut le préciser. C'est-à-dire que on a effectivement un petit blanc qui a tué 9 noirs dans une église, et ça a été présenté comme ça en France abondamment. D'ailleurs, vous avez qu'à remarquer, et là je fais une aparté dans l'aparté, c'est-à-dire que Le Monde explique que ce qu'il faut retenir de Dallas, c'est le fait que des robots ont été utilisés pour tuer le meurtrier, quand même. Hein. C'est-à-dire que c'est même pas que un nègre qui a voulu tuer des flics parce qu'il était blanc. Alors voilà. pour une fois, permettez-moi d'être d'accord avec le journal Le Monde. Les robots qui veulent se faire exploser sur des nègres, je trouve ça quand même très rigolo. Quoi. Voilà, c'est mon avis personnel. Voilà, je trouve ça quand même très vivifiant comme information. Voilà. Bon, c'est pas présenté comme ça tout à fait. Mais bon, pour en revenir à Dylan Roof, il a ciblé. Pourquoi il a... Parce que les gens ont dit, ouais, il cible des chrétiens noirs, etc. Bon, les gens ont le cœur qui saigne, quoi. Non. C'est que l'église qu'il a ciblée appartenait à une secte noire à laquelle est affilié Barack Obama, qui est un mélange de marxisme, donc de lutte des classes, et de racisme, qui explique en gros que pour libérer l'humanité, il faut détruire toute la race blanche, et qu'une fois que la race blanche sera complètement détruite, l'humanité sera libérée parce que le Christ étant noir, la parousie ne peut advenir que quand la race blanche sera détruite. Voilà. Bon, ça, c'est les gens qui fréquentent Barack Obama, d'accord ? Et ça, c'est... Et donc, quand on dit ça, effectivement, tout d'un coup, Dylan Roof devient quelqu'un... pas sympathique, parce que je ne cautionne pas les meurtres gratuits, etc. Enfin, on comprend qu'il était passablement énervé par des Africains qui expliquaient qu'il fallait génocider la race blanche, tout ça en transformant le truc en espèce de culte religieux. Bon, enfin, voilà. Excuse-moi, mais la parousie nègre, hein, de ces méthodistes, peut-être, je sais pas s'ils sont minoritaires. Ils sont même pas méthodistes, ils sont pas méthodistes, ils sont même pas chrétiens. Mais bon, ils sont des nègres, quoi. Oui, bah, c'est des nègres qui, voilà. Non. C'est une secte nègre, quoi. Mais disons que ça n'a pas grand-chose à envier à ce que peut proférer une certaine extrême droite qui s'extasie devant un nègre qui porte un drapeau tricolore. Quoi, hein, attends. Bon, je digresse un petit peu, pardon. Tu nous envoies sur autre chose. MacDav, je te redonne la parole, mais c'était par rapport à ce Dylan Roof, là, et dont certains n'auraient pas compris le geste, en fait. Oui, d'ailleurs, son manifeste est particulièrement intéressant à lire. J'invite évidemment tout le monde à lire sur Internet. Je crois qu'il a été traduit. Mais sinon, j'ai vu également sur Breitbart que tu as carrément des musulmans qui financent ces églises noires. En fait. Donc le plus petit dénominateur commun, c'est la question raciale. Et c'est exactement. Ceux qui se branlent sur l'islam, en sachant que l'islam est une religion de nègres ou de nègres manteaux. C'est ça à remettre en question. Mais ça, c'est bien, c'est, si je peux rebondir là-dessus, c'est en fait le drapeau commun à tous ces gens, c'est le drapeau du tiers-mondisme contre la race blanche. C'est-à-dire tout ce qui est métèque, coloré, etc. est intrinsèquement moralement supérieur puisqu'ayant subi colonisation, esclavage, etc. Enfin, en tout cas, selon leur vision de l'histoire très particulière, hein, comme si évidemment il n'y avait que les blancs qui avaient pratiqué l'esclavage, etc. etc. Donc c'est de l'enfumage complet. Mais ces gens-là, voilà, placent tout ce qui est coloré à un niveau de moralité supérieur, et ce qui légitime quelque part, parce que quand on parle, il y a des gens qui sont, ils parlent de génocide des blancs, etc. Mais il faut comprendre que les gens en face de nous, qui sont dans ce tiers-mondisme, et même les blancs qui collaborent à ça, au final, le projet, c'est quoi? C'est effectivement la grande alliance du tiers-monde avec des musulmans qui ont du pognon, des tas pétroliers, qui financent des églises communautaires de nègres, etc., etc. Donc c'est vraiment l'alliance de tous les pouilleux, la revanche des pouilleux contre la civilisation blanche, qui est accusée à peu près de tous les maux pour la piller, parce que en admettant que ces gens-là arrivent à faire essaim, à envahir complètement les pays blancs, ça ne sera que pour les transformer en dépotoir général. Donc c'est l'alliance de tous les pouilleux pour essayer de parasiter, de détruire, de saboter la civilisation blanche pour transformer ça en tas d'ordures. C'est-à-dire que moi, il faut vraiment comprendre ça, parce qu'il faut vraiment savoir à qui on a affaire quand on parle à ces gens, savoir ce qui est dans leur tête, et essayer de les mettre en face de ce qu'ils veulent en réalité. Parce que ce qu'ils veulent, c'est vivre dans un dépotoir avec des nègres et des bougnoules, etc., etc. C'est vraiment ça le projet. C'est la haine du blanc, quoi. C'est-à-dire que tu as des musulmans qui financent des églises entre guillemets de noirs parce que voilà, parce que c'est l'alliance des métèques, quoi. Oui, c'est ça. En fait, c'est des églises raciales parce que le nègre. Moi, je vais vous dire mon point de vue là-dessus. Bon, c'est une digression. Le nègre est incapable de spiritualité. Il est trop simplet, il peut pas. Donc, il réduit tout à la race. La différence avec l'homme blanc, c'est que nous, c'est que, et le défaut aussi. Oui, que l'homme blanc a tendance, le défaut, c'est que l'homme blanc a tendance à réduire la race à quelque chose d'anecdotique. Parce qu'effectivement, il est trop occupé avec la matière intellectuelle et spéculative pour s'intéresser à des questions qui sont des choses d'ordre racial. Voilà. Donc le blanc est en train de lire Saint-Augustin et puis et Alain de Benoît. oh là. Et pas dans ce temps-là. Non mais en même temps. Et pas dans ce temps-là, tu as la gare du Nord qui est à Paris. Voilà. Parisienne, c'est un nid à nègres, quoi. C'est vraiment, on fait l'élevage. Ouais, on a un cheptel de nègres, tu vois. Ils sont bleus tellement ils sont foncés. C'est terrible, quoi. Hein. C'est comme les mouches. Ce qui est excellent, c'est non, mais attendez. Je termine mon truc. C'est vrai que c'est insupportable de voir les blancs enculer les mouches, etc. Mais en même temps, ça fait partie de notre intelligence. C'est ça aussi qui fait qu'on est brillant. C'est-à-dire qu'on est ailleurs, on se projette vers autre chose. Et malheureusement, ce qui nous prend un peu de cours et qu'on n'avait peut-être pas planifié, c'est qu'en fait, c'est que la vase vient nous envahir dans notre cuisine, quoi. Bon, c'est normal, on est là, bon, nous, oui, alors on planifie sur le truc. Puis tout d'un coup, t'as une nuée de nègres qui déboule dans ta baraque et tu te dis, putain, mais d'où c'est que ça vient, etc. Il faut que je trouve une solution. Bon, la solution, on la connaît tous, mais on va pas la détailler ici. Mais effectivement, Bon, c'est comme ça. Alors, par contre, parce que bon, on a tous envie de dire beaucoup de choses très très bien sur l'Afrique, j'en dis ce qu'on vient pas. Mais c'est que par rapport justement à ce, pour en venir aux États-Unis et à cet incident qui a été présenté comme un crime noir. Au final, l'incident, c'est un nègre qui shoot des policiers. Voilà, non, parce que attention, parce qu'il y a... Tu allais rebondir sur le côté, parce que moi, je attends, non, non, simplement. Si tu allais aller jusque-là, vas-y. Non, simplement, il y a un enchaînement de faits. Et avant Dallas, donc, il y a le meurtre, soi-disant le meurtre de l'Africain dans sa voiture. Et il y a la réaction soi-disant légitime du militant raciste noir. Et là où moi je voulais venir, où je voulais en venir, c'est la réaction de Barack Obama, président des États-Unis. Ah oui, lol. Ils ont compté les minutes des réactions. 16 minutes sur le meurtre ou la mort du type dans sa bagnole. 16 minutes. Sur les 5 flics abattus à Dallas, 4 minutes. 4 minutes. Pas une seule fois le mot racisme n'a été utilisé, alors que le mobile du meurtre de la bouche même de l'assassin à Dallas était la race. Je veux tuer des blancs. Je veux tuer des blancs. Pas une seule fois le mobile raciste a été retenu par Barack Obama. Ce fils de pute de nègre. Pas une seule fois. En revanche, il y a un nègre qui est armé dans un contexte qu'on connaît, qui fait le mariole avec son gun. Il se fait défoncer par un policier asiatique 16 minutes pour chialer sur le fait que les Noirs sont discriminés aux États-Unis et il est temps d'en finir avec la suprématie blanche. Ouais, voilà, par la suprématie blanche, par les Blancs, etc. Il y a un autre truc que je voudrais rajouter, c'est qu'effectivement, le crime qui a été commis par ce Micah Johnson, etc., etc., c'est un acte terroriste, c'est-à-dire c'est de la violence motivée politiquement qui vise particulièrement donc les flics, donc l'établi, bon, les blancs, mais particulièrement les flics, donc voilà, représentant, même si le nègre ne sait pas trop qui il vise et pourquoi, mais c'est clairement des représentants de l'autorité qui sont assimilés à la suprématie blanche. Donc quand on parle, parce que les États-Unis, il y a toujours la rhétorique du voilà, de la guerre contre le terrorisme, y compris le terrorisme homegrown, le terrorisme domestique, etc., etc. Et là, pour le coup, c'est-à-dire un mec qui se positionne, parce qu'il faut, il faut bien comprendre, c'est un mec qui se positionne en hauteur pour vraiment pour sniper des flics, c'est clair que c'est un acte terroriste, quoi, et pour, avec des revendications politiques, raciales, etc., etc. Oui, de toute manière, le terrorisme, c'est acte de violence avec revendication politique. Donc là, clairement, on est en plein dedans. Hein. Ah bah c'est pour mettre à bas la supposée... La suprématie blanche. Voilà, ouais, la suprématie blanche dirigée par le nègre Obama. Oui, ouais, voilà. Il faut préciser, c'est quand même assez évident. Comique, hein. Oui, c'est vrai que c'est pas évident pour quelqu'un qui a un QI supérieur à 100. Ouais. Avec l'attorney général, donc le chef de la justice, Loretta Lynch. Avant c'était Eric Holder, un autre nègre. Voilà, donc la suprématie blanche est en marche. Attention, nos amis africains. Oulala, quoi. Hein, il vaut mieux vous défendre. Ce qui est marrant quand même, c'est pendant qu'on parle pas des vraies causes, on parle des fausses. Parce que la propagande, je veux dire, c'est faut toujours en mettre une couche. Donc ils ont trouvé le moyen de rebalancer leur débat sur le gun control. Parce que c'est un problème de flingue, bien évidemment. Oui, c'est absolument vrai. Bah d'ailleurs, quel bande Obama, d'enculé, quoi. C'est-à-dire qu'Obama sur le meurtre, je dis le meurtre parce que bon, voilà, l'assassinat, enfin ils ont présenté ça comme ça. Donc l'Africain qui se fait flinguer dans sa bagnole parce qu'il était armé avec le policier, ça. Ils ont dit, oh là là, le racisme, etc. Et 5 flics se font buter par un type qui dit, moi je suis un nègre et je vais flinguer des blancs et surtout des flics blancs. Et là, on dit non, c'est pas. Enfin, on focalise pas la présidence et le ministre de la justice ne focalise pas du tout sur le motif raciste. Ils disent non, mais c'est un problème de possession d'armes à feu. Il faut vérifier sur qui a des armes. Putain, mais franchement, je veux dire. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on attend, quoi? Qu'est-ce qu'on attend? Tu disais 16 minutes pour le mec dans la voiture, 4 minutes pour les 5-6 policiers. Mais souvenez-vous de l'affaire Mohamed Merah. Tant que ça en était au stade où il tirait sur des militaires français. Bon, on n'en parlait pas beaucoup dans les médias. Non, on en parlait un peu, mais ça faisait pas la une. À partir du moment où ça s'en est pris à une école confessionnelle juive, là, on a eu l'emballement médiatique. Donc pour voir un petit peu, il faut que les gens prennent conscience de la soupe à propagande qu'on bouffe tous les jours dans les médias. À quel point les faits sont déformés, occultés, où il y a des mensonges, clairement... les mensonges purs et simples, et à quel point le deux poids de mesure aussi, comment on met en avant certains événements, certains faits, c'est systématique, quoi. C'est vraiment une machine à laver les cerveaux. Alors, excuse-moi, Poro, je te coupe, mais donc après Mohamed Merah, il y a quand même eu l'attentat de Charlie Hebdo, puis après l'hypercachère, et puis tout le monde était en « je suis Charlie », et l'hypercachère, j'en ai rien à foutre. Donc là, c'est vrai que les juifs ont dû se dire quelque part, c'est peut-être temps de faire son alia de groupe. Hein, mais, oui, aliadegroupe.com, allez-y, barrez-vous. Voilà. Alors, attends, simplement. C'est un appel solennel, hein, voilà. Simplement. C'est que dans la foulée, et là je vais rebondir, c'est qu'il y a eu un appel. Ça, c'est une information qui nous vient du site américain Judicial Watch. On va dire l'observateur judiciaire, pour traduire à grands traits, nous indique que des messages ont été interceptés par le FBI le 7 juillet, appelant les groupes pro-noirs, notamment Black Lives Matter, hein, pour ceux qui connaissent pas, c'est des groupes de défense soi-disant de la vie américaine, qui sont les bavures contre les bavures policières, etc., les appelant à des émeutes de masse, à tuer des policiers blancs à vue, etc. Donc ça, ça a été lancé pas plus tard que le 7 juillet, et ça a déclenché une alerte générale en Louisiane, et on a, au moment où je parle, des policiers qui ont été abattus, pas mortellement, mais qui ont été abattus dans tous les États-Unis, et on a des organisations radicales noires qui appelle à la guerre raciale, maintenant, en ce moment même, au moment où on parle. Ouais, ben c'est ce qu'on peut appeler la supranégritude, quoi. Comme disent nos amis anglo-saxons, the great chimp out. Voilà, c'est ça y est. Les nègres sont voilà dans pleine possession de leurs moyens. Ils y vont. C'est-à-dire que ce qui est original bien. En fait, c'est pas tant parce que je voulais rebondir aussi par rapport à ce que disait Porovitch avec le deux poids deux mesures médiatiques. C'est-à-dire que c'est pas tant l'originalité dans la violence, puisque ce qui est original en fait, c'est qu'ils s'en prennent aux blancs, aux flics, parce que pour donner un exemple, le week-end de Memorial Day, donc c'est une célébration de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et j'imagine aussi que, j'ai pas vérifié les chiffres, mais pour le 4 juillet, la fête nationale, ça a dû être aussi une hécatombe, mais pour le Memorial Day, par exemple à Chicago, il y a eu, juste pour une soirée, hein, qui est traditionnellement un jour férié, etc., donc il y a des gens qui sortent, etc. Chicago, une soirée, 64 blessés par balle, et je ne sais plus exactement combien de morts. Hein. Et tout ça... Ah, carrément. Ah mais, tout ça, c'est des nègres. C'est-à-dire que les mecs, ils passent leur temps à se canarder les uns les autres, alors c'est complètement... c'est ridicule, quoi. C'est-à-dire que... je ne sais pas si on peut... J'imagine qu'on pourrait recenser le nombre de nègres qui sont morts dans une journée dans toutes les grandes villes américaines. Voilà. C'est-à-dire, les mecs passent leur temps à s'entretuer les uns les autres pour des affaires, j'imagine, de drogue, de gang, j'en sais rien, quoi. Et en fait, de QI. Vous deux, QI, voilà. Et en fait, Black Lives Matter, donc voilà, les vies noires comptent, etc., etc. Oui, mon cul, c'est-à-dire qu'elles comptent quand celui qui a tué, qui a tiré, est un blanc, et donc que ça peut être exploité pour des buts politiques, pour un but avec des revendications voilà, raciales, etc. Mais les nègres passent leur temps aux États-Unis à s'entretuer, et ils s'en foutent royalement. C'est-à-dire que ça ne génère les vies noires, comme ils disent, les Black Lives, ne génèrent de l'intérêt que quand il y a un blanc qui est impliqué dans un fait de violence. Si c'est eux qui s'entretuent, ce qui arrive absolument tout le temps, alors là, ils s'en foutent. Donc c'est complètement hypocrite. Et la plupart des gens, c'est ça qui se voit aux États-Unis. C'est-à-dire que les Blancs ne savent pas vraiment quoi dire devant tous ces événements. Et la réaction n'est pas facile parce qu'en réalité, c'est une sorte de secret de polichinelle. C'est-à-dire que tous les Blancs se rendent bien compte que le mouvement Black Lives Matter, etc., c'est de la grosse hypocrisie. Que les nègres se foutent royalement de la gueule du monde et que quand ils s'entretuent toute l'année dans toutes les grandes villes des États-Unis, en réalité, ça ne dérange pas grand monde, hein, que leurs vies ne sont pas très importantes, mais que dès qu'il y a un blanc impliqué dans l'affaire, alors là il faut jouer des tambours, il faut que ça passe dans les médias, c'est une affaire nationale. Alors, un blanc, ou assimilé, quoi. Si oui, c'est blanc, blanc ou mexicain, mexicano-juif, asiatique, tout ce que vous voulez, hein. Ouais. Les nègres contre le reste du monde, quoi. Oui, voilà. Alors, le fait que ce soit les nègres qui assassinent le plus les nègres aux États-Unis, ça leur passe carrément dessus de la tête, quoi. Donc, Black Lives Matter, mais que pour les blancs, quoi. Les blancs, repentez-vous. Voilà, t'as un blanc qui quand il a sorti ses poubelles, tu vois, il a coupé le trottoir à un nègre, tu vois, c'est une affaire d'État, quoi. C'est terrible. Petit message donc à Black Lives Matter, rendez service à votre communauté et interdisez le port d'armes aux hommes noirs. Et là, vous aurez vraiment fait votre job. Ah oui, et ça c'est la solution évidente, c'est-à-dire que les gens parlent d'interdiction du port d'armes, hein. On a des statistiques ethniques aux États-Unis, il faudrait s'en servir, nous sommes des gens rationnels, voilà. Donc, on se sert des statistiques ethniques. Écoute, moi je suis pas un démocrate, j'en ai rien à branler. Poussons un petit peu le bon sens jusqu'au bout. Armons les blancs, désarmons les nègres. Ah bah c'est clair que c'est la solution. Les blancs de toute façon présentent dans l'état actuel des cérébrés, des virilisés, ne représentent aucun risque pour les nègres. Hein. Je veux dire, c'est pas les 2-3% de mecs racistes ou plus ou moins qui vont massacrer tous les Noirs. Non, et puis de toute manière, on a beau être raciste, on n'est pas là à aller sniper des nègres comme ça au hasard. Quoi. Ah bah moi, je ne les pense mecs pas qui snipent des nègres. À des gens qui me refusent des cigarettes. Hein. Oui, c'est pas voilà. Ma culture, hein. Les gens qui snipent au hasard, ça reste pour l'instant, je sais pas, les mecs voilà, à Dallas qui font des cartons par-ci par-là. On se croirait un peu à Kinshasa quand même. Hein. C'est oui, petit, ouais. C'est-à-dire qu'on est tellement, au-dessus qu'on est encore à considérer leur vie comme valant quelque chose. Quoi. Ça fait même mal au ouais, cul. Ouais, mais c'est le problème aussi. Moi, je voulais en parler, mais c'est la réaction des Blancs ou la non-réaction des Blancs. Je veux dire, c'est un truc de fou. On en est à un point où, voilà, toute la Smala, tout le tiers-monde est rappel à notre assassinat. Je veux dire, c'est clair, il faut écouter certains militants antiracistes, je me marre, qui t'expliquent que les Blancs, l'homme blanc, donc déjà ils font une catégorie raciale, c'est rigolo chez les antiracistes, qui t'expliquent que l'homme blanc est sorti de l'humanité parce qu'il il aurait fait l'esclavage et qu'il aurait le monopole du racisme, alors que les autres, non, pas du tout. Donc quand t'as des militants antiracistes qui te sortent un discours comme ça, qui te disent... Ouais, tel groupe de personnes sont sorties de l'humanité, ça, c'est de la diabolisation au dernier degré, et c'est généralement c'est ce qui précède l'appel au meurtre. Oui, non, mais puis d'autant plus que, bon, qui a défini l'humanité, avec un grand H. Non, mais on accepte, on n'accepte pas, mais bon, ça reste quand même un concept de blancs qui se rassient leur cul au chaud dans le salon, quoi. Hein. On en est quand même rendu à l'appel au meurtre. Et c'est pas nouveau, hein. Moi j'ai déjà vu sur les Twitter, les Facebook, etc., les mecs qui te disent « Non, mais de toute façon, on sera jamais libre tant qu'on n'aura pas tué tous les Blancs, il faut tuer les Blancs, etc. » C'est tous les jours sur Facebook, il faut le savoir ça. Je sais pas si oui, tu le savent. Oui, non, bien sûr. Enfin, ça, je réveillez-vous pas qu'ils un petit peu, là, parce que je vois répéter les propos de Jean-Marie Le Pen, je l'apprécie pas plus ou moins, d'ailleurs je précise, il disait « Mais ce qu'on a besoin en France, moi, je dis dans le monde blanc, c'est d'une usine à couilles, c'est-à-dire de la virilité et un cerveau qui marche. Parce que là, on a des gens qui sont en train d'appeler à notre meurtre, le tout main dans la main avec nos élites, et si vous vous réveillez pas un petit peu, vous allez vous retrouver du jour au lendemain dans une guerre civile avec des gens armés et qui ont la haine contre vous, mais là, vraiment la haine, c'est-à-dire la haine irrationnelle et viscérale, qui vont venir vous assassiner, vous allez rien comprendre. Parce que la chiasse propagandiste qu'on vous vend, ce vivre ensemble, ce bisounours, ce discours bisounours permanent, c'est juste pas la réalité. Donc faites-vous pousser des coups et réveillez-vous. Mais tu sais, Poro, je vais faire ma petite minute Bernard Lugan, mais bien. Apparemment, les génocides rwandais n'auraient pas été planifiés. En fait, il s'agirait d'un génocide quasi spontané, en fait. Il y aura une petite excitation. Réaction épidermique. Ouais, voilà, c'est ça. Quelque chose qui aurait à voir avec les, peut-être, les excès surrénaliens au niveau des glandes, non? Peut-être. Messieurs. Écoutez, messieurs, cette discussion est très intéressante. On va la continuer. Ah non, pas douter. On va se prendre une pause. On va prendre une pause pendant 5 ça minutes, là. On se retrouve. Tout à l'heure. Bonjour. Viens voir les clandestins, voir les Marocains, voir les Africains qui dérivent, viens voir ces Kurdes Syriens, voir ces Algériens, voir ces Maghrébins qui arrivent, les clandestins sont arrivés par bateau dans ce pays rétrograde où fleurissent les ghettos. Les clandestins sont arrivés un beau jour au fond d'un radeau tout crade cherchant un nouveau séjour. De vos esprits gardant toujours les bras ouverts à l'étranger, aux vagabonds, à l'univers, n'aimant ce pays que quand il est d'hiver. Sur la plage les trouvèrent les clandestins. Viens voir les clandestins, voir les Irakiens, voir ces Kurdes Syriens qui dérivent, viens voir ces Maghrébins, voir ces Marocains, voir ces Africains qui arrivent, si vous voulez voir gagner le camp du bien et triompher les gauchistes, la France s'ouvrir enfin. Si vous aimez voir trembler tous les frileux, se lamenter les racistes, disparaître les bouseux, prenez la carte et entrez donc à la LICRA, la diversité, l'intolérance vaincra. Quand les juges les auront tous relâchés, ils partiront se cacher, les clandestins. bien voir les clandestins, voir les maghrébins, voir les africains qui arrivent bien, voir ces tunisiens, voir ces algériens, voir ces marocains qui arrivent. Les clandestins ont oublié leur bateau, ils sont tous nos camarades et prennent leur part du gâteau. Ils ont laissé au fond du cœur de chacun un peu de leur rigolade et du soleil africain. Et quand la transformation sera achevée, Français, vous verrez tout ce que vous leur devez. Mais pour l'instant, ils traversent à la nage, ils débarquent sur nos plages, les clandestins. Viens voir les clandestins, les maghrébins, les africains qui dérivent bien. Voir ces kurdes syriens, ces algériens, ces marocains qui arrivent bien. Voir les clandestins, les maghrébins, les africains qui arrivent bien. Voir les clandestins, voir les marocains, voir les africains qui arrivent bien. Bon, alors maintenant un petit peu des nouvelles de l'état providence français, l'état social. Ça vous plaît ça, l'état social, messieurs? C'est génial. Ah, vous aimez ça comme l'état social. Qu'est-ce qu'on ferait sans l'assistanage, je veux dire, quelque part, on serait un petit peu perdu, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Ah bon, je croyais qu'en France, on était quand même dans un pays ultra libéral. Je sais pas ce qui se passe. Ah oui. Ah bah, le Front National a dit effectivement qu'on était dans un état ultra libéral où bon. C'est la tyrannie qu'on avait vraiment, enfin, genre, tu vois, c'était un maghrébin qui déboule en France, t'es pas soigné, par exemple. La tyrannie du marché, quoi, je veux dire, ouais. Ouais, voilà, bah, on est en plein dedans, là. On est en train de se faire tuer par la libre entreprise en France, hein, je crois qu'il faut le dire, c'est important. On croule sous les non-impôts. Voilà. Voilà, c'est ça, ouais, c'est un constat collectif. Alors, bon, chers amis, du coup, dans le registre chronique de l'État-providence français, on va parler de la CAF. La CAF, c'est un sujet qui plaît beaucoup aux gens, ça. On comprend pourquoi. C'est relatif, en fait, à une mère de famille. C'est dramatique, c'est pas quelque chose qui me fait plaisir. J'aime pas aborder ça, mais il faut en parler, quoi. Alors, je fais un topo, hein. Je reviens dans le détail sur ce qui s'est passé. Alors, c'est une mère de deux enfants de 8 et 6 ans à Armentières qui s'appelait Émilie Loridan, et je dis s'appelait, vous comprenez pourquoi, et qui ne percevait plus d'allocation de la CAF depuis qu'elle touchait une allocation enfant handicapé par la Belgique pour sa fille trisomique. Donc en fait, il y a un problème en fait entre la Belgique et la France, en fait, tout simplement, probablement parce qu'en fait la mère est française et le père est belge et les enfants sont évidemment binationaux et la mère devait toucher du côté de l'État providence belge. Et soudainement, en raison du fait que le père est plus répondu, elle s'est reportée sur l'État-providence français, enfin l'État social, voilà. Et malheureusement, elle a été abandonnée, quoi. Et voici ce que disait un article de presse qui citait le problème il y a quelques mois. Et là, je cite donc cette mère de famille. À part me dire que je dois demander une pension alimentaire au papa de mes enfants, je n'ai rien de plus. La CAF m'a même supprimé mon APL. Là, je cite toujours l'article. Hein. Avait-elle raconté au mois de mai à La Voix du Nord, donc le nom du journal, encore un peu plus fatiguée par ces problèmes qui s'accumulaient et dont elle ne voyait pas l'issue. Sans RSA, sans APL, Émilie avait plus que l'allocation enfant handicapé belge pour vivre, soit 398 euros. Et avait dit doucement, sans s'énerver, donc au journal, et là je cite, être à bout et ne plus savoir comment s'en sortir. Et effectivement, cette pauvre mère de famille, d'enfant trisomique, ayant été finalement abandonnée par le système public aussi bien français que belge, hein, malgré qu'elle aurait pu avoir des droits. Hein. A décidé de mettre fin à ses jours il y a peu de temps. Du coup, elle a laissé deux enfants, dont une personne handicapée, hein, à la charge du contribuable, à la charge de l'État aussi. Et dans le même temps, et mais on va y revenir dans la foulée, on a des djihadistes qui sont pris en charge intégralement dans la même région, parce que ce qui se passait là, ça se passait dans le nord de la France, et dans la même région, on a des djihadistes qui sont pris intégralement en charge, les familles comprises. Les familles comprises. Et là, je donnerai des détails, mais même encore aujourd'hui, au moment où on parle, au moment où il y a encore des militants maghrébins de nationalité française qui combattent à l'étranger, leurs familles sont encore prises en charge par la CAF, ce qui n'empêche pas cette même CAF de laisser mourir de faim des mères, comme on a vu, qui ont des enfants handicapés. Écoute, c'est l'État islamophobe français. C'est l'État français particulièrement anti-musulman. Il est particulièrement raciste et il prend soin, évidemment, de nourrir et d'engraisser aux petits soins ses ennemis. Il n'y a rien d'étonnant. Hein. Tu sais que les militaires français avaient retrouvé carrément les demandes de bourse de la CAF dans des caches au Mali. Il n'y a rien de nouveau. Oui. C'est typique. Et d'ailleurs, je ne sais pas, ça va concerner tous les Français, hein, parce que bon, en France, c'est vrai qu'il y a un problème d'État qui s'incruste partout, y compris au niveau des loyers, ce qui peut être profitable pour beaucoup, hein, ce qui peut être profitable pour les propriétaires, car mécaniquement, ça fait augmenter le prix des loyers, mais bon, ça permet de loger quasi gratuitement des millions de nègres. Et l'État français a décidé de baisser les APL de 225 millions d'euros en 2016 pour compenser les dépenses pour l'accueil des réfugiés. Voilà, donc tout va bien. Neuf. Ouais, exactement. Tout va bien. Attends. Dans ce beau pays dont Manuel Valls parlait en termes d'apartheid, je crois. Apartheid qui est une politique d'État, évidemment, de discrimination raciale, et on voit bien, elle est à l'œuvre, mais contre les Blancs, quoi. Alors, moi, je veux rappeler quand même que... parce que c'est pas vieux, cette affaire. Le 21 juin, le journal Le Midi Libre rapportait les faits suivants. 24% des djihadistes hexagonaux partis en Syrie continuaient de toucher des prestations sociales auprès de la CAF pour leur famille. Et là, je vais vous donner un extrait du Midi Libre. Là, je cite, hein. Un dispositif mis en place début 2015 fait remonter auprès de la caisse d'allocation familiale les signalements des personnes présumées parties en zone de guerre en Syrie et en Irak afin qu'elles cessent de percevoir des prestations familiales. Au total, 674 signalements ont été transmis par la Direction générale de la sécurité intérieure, la DGSI, quoi, et font l'objet d'un suivi particulier par la CAF auprès a expliqué le ministère. Donc en gros, la DGSI, le renseignement, fournit les profils des types, dit voilà, ces gens-là sont partis à l'étranger en tant que djihadistes, il faut couper les fonds. Mais là, ça devient plus intéressant. Je poursuis l'article. Hein. Après examen des dossiers, 376 bénéficiaires ont ainsi été radiés, donc sur 674. En revanche, 139 des personnes signalées ne sont pas concernées par le dispositif car elles ne sont pas allocataires. Donc en fait, on a 139 personnes qui n'étaient pas allocataires du système. Mais quand on prend les 376 et les 139 personnes mentionnées, il y a un vide. Et le vide restant, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le vide restant, c'est des personnes qui ont effectivement pu continuer de bénéficier des aides de la CAF. Et là, voici ce qui était indiqué. Et là, je cite toujours le Midi Libre. Mais dans certains cas, les droits sont maintenus. Par exemple, si un parent de trois enfants part en Syrie avec seulement l'un d'entre eux, les prestations continuent d'être versées aux ayants droit à rester en France pour ne pas les pénaliser, selon le ministère. Donc c'est une politique. Oui, c'est la politique française habituelle. Voilà. Tout est fait pour avoir un cheptel de maghrébins délirants. Hein. Tout est fait pour faire de l'élevage comme si voilà, on voulait leur donner de la valeur pour les vendre. Alors que, bon, qui va nous les acheter? Je ne sais pas. Hein, personne n'en veut. Personne n'en veut de ces gens-là. Hein. C'est, on met des sommes folles. Hein. Là, tu parlais tout à l'heure de l'unité de déradicalisation donc à Lille. Là, hein. On leur fait des cours de yoga, des ciné-débats, hein, des ateliers artistiques. Alors surtout, on ne les fait pas travailler. Hein. On sait que dans les prisons, tu as des ateliers de travail, on leur fait faire des petits trucs. Tu sais, y a des... Non, eux, ils ne travaillent pas. Hein, parce que le travail, voilà, c'est méchant. Arbeit macht frei, tu vois, quelque part. Il n'y avait pas aussi des ateliers ça... de tripotage de hamster? Ouais, oui, non, mais ça, c'est... Si. Ça existe déjà, mais c'est déjà vu. Oh, bah c'est magnifique. Là, c'est non, mais là tu vois on, même pas on les fait travailler parce que tu vois, le travail, c'est quelque part, ça rappelle les camps de travail, ça rappelle la Shoah. Donc, voilà, les heures les plus sombres de notre histoire. On fait un élevage de nègres, tu vois. Tu sais, c'est du charolais, tu vois, qu'on affine, tu vois, du bon cheptel. Hein. Et puis, comme si on allait le vendre, mais alors on le vend à personne. Ah bah en tout cas, c'est pas l'Arabie Saoudite, le Qatar et Israël qui vont nous les racheter. C'est sûr. Bah, ils vont peut-être faire des kebabs ou vendre des smartphones après. Qu'est-ce que t'en sais? Non mais attendez. Ah bah après avoir poignardé Jean-Guy, peut-être ils vont revendre son smartphone après avoir. En tout cas, je pense qu'on est tous d'accord que la politique du gouvernement français est extrêmement islamophobe et que on peut se solidariser de Islam et Info hein, quand ils dénoncent vraiment la politique de l'État français intolérable à l'égard des musulmans. Je crois voilà, qu'on est tous d'accord. Et puis on peut aussi s'associer hein, à des organismes de presse indépendants sur Internet. Hein, Bouillon.fr. Voilà, qui dénonce le choc des civilisations en France. Hein, Choc. On l'a toujours pas vu celui-là. Ah bah c'est la fameuse paraît-il. Stratégie de guerre de Sun Tzu qui consiste à nourrir les gosses de tes ennemis. Voilà. Il paraît qu'il y a un choc des civilisations qui se propage en France, qu'on attise la haine raciale. Hein. Je l'ai pas trouvé encore hein, de mon côté. Si, moi je l'ai trouvé, mais elle est pas du côté qu'on croit. Mais par contre, pour ce qui concerne la CAF, pour revenir sur l'affaire dont j'ai parlé, c'est que 25%, quand on fait le total, sur les 674 djihadistes, un quart d'entre eux continuent de percevoir la CAF. Alors que, on parlait de ça, une femme qui avait des enfants trisomiques dans le nord de la France s'est vue privée de ses aides alors que c'était une Française de souche. Et, bah, alors attends, excuse-moi, mais bon, elle aurait quand même pu faire un effort et s'appeler Fatima, hein, la demoiselle. C'est vrai. Bah ouais, c'est ça, bon, cette connasse de couffard. Voilà. Bah moi, okay. je serais prêt à louer les efforts eugénistes du gouvernement français, parce qu'effectivement, supprimer les familles où il y a des trisomiques, etc., pourquoi pas, mais si c'est pour importer des Algériens djihadistes à la place... Est-ce que vraiment on gagne au change? Je ne sais pas. Hein, des Algériens qui, comme on l'a dit, hein, eux-mêmes ne sont-ils pas un petit peu trisomiques et consanguins hein, on ne sait pas. Qui aiment beaucoup leurs cousines et leurs nièces. Hein, c'est un drame parce que. Non mais c'est dramatique. On en rigole. Mais moi, je veux dire, moi, j'ai quand même envie de dire un truc. On a un État français qui laisse crever des gens dans le désespoir le plus complet, dont on peut dire ce qu'on veut, c'est pas le problème, mais dans le désespoir le plus complet, dont les ancêtres ont suffisamment payé pour bâtir un pays, qui sont laissés à l'abandon au point de les pousser au suicide. Ouais, de l'autre côté, on a la racaille du fin fond du monde maghrébin. Les derniers des nègres qui se bousculent en Europe et qui arrivent en France, qui ont le droit à tous les égards. Il nous faut un petit peu de temps pour qu'il y ait quelque part une prise de conscience. Oui, non, mais c'est-à-dire que les choses roulent tranquillement, les choses roulent tranquillement. Ah oui, d'accord, mais l'heure n'est pas la... Mais j'ai... Non mais d'accord, je te dis, c'est pas le moment, quand tu as des Français qui sont complètement débiles et qui se saigneraient, pour filer à, voilà, pour filer à, pour filer 3 sous à un nègre, quoi. On n'est pas là. Oh, c'est pas la majorité de la population. Ouais, on va dire. Écoutez, les gens ont un antiracisme de circonstances, presque, je veux dire, de conformité sociale. La réalité derrière, quand tu grattes un peu, des fois, ils sont pas si enthousiastes que ça. Hein. Même dans ce qu'on appelle l'extrême droite, il y a quand même, excusez-moi, hein, un amour du métèque, du sauvage. Excusez-moi, je le dis. Si les gens, ils veulent une gamelle. Ils aiment le métèque, ils aiment, ça leur plaît. Putain, ils se roulent dedans, quoi. C'est terrible. Hein. Des noms. Je sais pas. Marc. Oui, non, mais tu vois, je sais pas, Robert Ménard, Marion Maréchal Le Pen, là, qui s'extasie sur l'équipe de France un petit mais peu. Mais ça, attendez. C'est pour le procès du Chudet, mais voilà. Tous les mecs à l'extrême droite, les catholiques, dès que tu commences à parler de race, qui commencent à te dire que tu parles de délire, alors comment ça, cet abominable personnage veut mesurer les crânes, oh là là, qu'est-ce que c'est. Non mais on n'a pas besoin d'aller chercher ces gens-là, je pense qu'on peut commencer tout simplement par Jean-Marie Le Pen, et qui se félicitait d'avoir été le premier à mettre... Oui, avoir mis un député musulman. Voilà, le bagage, de l'Algérie française, où quelque part ces gens-là, hein, un peu à la Roger Olyndre, auraient voulu sauver les Algériens, n'est-ce pas ? Voilà, le traître de Gaulle, gna gna gna. On est d'accord là-dessus qu'il y a vraiment une frange de l'extrême droite qui ne rêve que d'une chose, c'est de faire la France black blanc beurre comme les socialistes, mais socialement conservatrice, quoi. C'est-à-dire un civisme multiracial, voilà. C'est-à-dire que nous en haut, les autres en bas et tous ensemble. Hein. Ils veulent refaire les colonies. Ils veulent refaire les colonies à la maison. Bon, alors nous, ce qu'on dit, c'est qu'on est déjà un petit peu qu'ils en adultes, on a un petit peu grandi, c'est-à-dire qu'on s'est dit, dans les années 60, c'était très gentil, c'est du passé. L'Algérie française, on en a quand même globalement, messieurs, à peu près rien à foutre. Oui. On confirme. Ouais, globalement. Rien à branler d'Algérie française, rien à branler de l'Afrique du Nord, rien à branler d'Indochine. Rien à foutre de tout ça. Donc qu'est-ce qu'on dit? On dit que les basanés, on veut même pas les voir en peinture et qu'ils sont vachement mieux chez eux. Voilà, c'est ça. Si vous voulez vivre avec eux chez eux, bon, bah, que vous n'arrivez pas et que vous voulez faire la même chose voilà, en métropole, non, ça ne nous va pas. On n'en veut pas. On veut pas vivre avec des métèques. On en a parlé dans la première partie. Hein, les nègres sont criminogènes, les Algériens qui te, voilà, si tu leur refuses une cigarette dans la rue, qui t'égorgent, voilà, avec le sourire, non, c'est pas le futur qu'on voit pour nous et pour nos enfants. Ouais, ça ne dit rien. Enfants, voilà. C'est quoi l'idée générale? Pourquoi on dit ça? Enfin, pourquoi on prend le temps d'en parler? C'est parce que on s'est tapé l'État social, et on s'est tapé l'État social à la base était conçu pour les Blancs en France. Il était conçu d'ailleurs pour ça dans toute l'Europe. Et en raison de l'immigration, l'État social est devenu particulièrement défaillant parce qu'on se retrouve à assurer le bien-être d'une faune qui est parfaitement incapable de se payer un État social. Oui, qui est parfaitement hostile à la population autochtone. Oui. Tout à fait, mais qui par ailleurs prospère à la faveur de l'État social. Donc ce sont des gens qui font 8 gosses à la faveur de l'argent payé par les contribuables français, mais qui sont les premiers à leur cracher à la gueule. Donc ici, comme on dit, la branche sur laquelle ils sont assis. Et je vais illustrer mon propos. Parce que comme vous savez, parce que ces gros malins d'Algériens, de Tunisiens, de Marocains, et autres racailles d'origine d'extraction musulmane n'ont rien trouvé de mieux que de cracher à la gueule de ceux qui leur filent à bouffer. Ils devaient s'emmerder, ils ont trouvé un hobby. Et ils se sont dit, on va les flinguer, on va les buter, alors on va se mettre dans le djihadisme. Hein. Très malin, ça aussi. Et là, on apprend un truc, c'est que parmi les djihadistes qui sont partis en Syrie et en Irak, donc les fils de pute qui ont déclaré la guerre à la France, à l'Europe et aux populations d'origine européenne, ces gens-là ont décrété que non seulement ils nous faisaient la guerre, mais en plus ils se réservaient une option pour revenir. Parce que sinon c'est pas marrant, évidemment. Il y a toujours une option comme ça. Et là je lis la presse, parce que il y a un système décrété par le gouvernement français pour prendre en charge ces ordures qui ont tué des gens en Syrie, tué des gens en Irak, probablement eu envie de tuer des gens en France et en Europe, et il y a un système pour les accueillir. Ouais, et j'ai trouvé. C'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, hein. C'est le yoga. C'est ça, c'est les camps où on leur fait faire du yoga, des ateliers artistiques et des conférences cinéma, voilà, etc. etc. quoi, pour, Je vais vous lire l'extrait d'un article. L'extrait d'un article qui parle justement. Donc, article de La Voix du Nord, hein, je pense. Oui, c'est ça, c'est La Voix du Nord. Et ça parle ce qu'ils ont appelé, je vais rien apprendre à personne, mais unité de déradicalisation située à Lille Annelin. Voici le titre de la presse. Les 7 détenus apprécient le confort. C'est pas une blague, hein. Les 7 détenus apprécient le confort. Donc ils s'éclatent, les mecs, ils apprécient. Alors là, maintenant, je lis l'article. Hein. Centre pénitentiaire sécurisé, cellules spacieuses et bien équipées, activités nombreuses. L'unité de déradicalisation de l'île Annelin, où sont placés les prisonniers les plus dangereux, est une unité modèle, d'après le rapport sur le regroupement des détenus radicalisés dévoilé ce mercredi. 5 unités de déradicalisation ont été créées en France, notamment depuis les attentats de janvier 2015. L'une d'entre elles a ouvert en janvier dernier, donc 2016, dans la prison de Lille, Lille Annelin. L'équipe d'Adeline Hazan, la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, qui vient de dresser un premier bilan très critique de cette expérimentation, s'y est rendue en mars. Elle a constaté que les 7 détenus y sont incarcérés dans de très bonnes conditions. Les cellules de 12 mètres carrés, toutes individuelles, sont plus grandes que dans les autres unités. On y trouve une douche, des toilettes, mais aussi une télé et un frigo. Les détenus sont très satisfaits, entre guillemets, et soulignent le contraste avec les cellules de leur établissement d'origine, notamment à Fresnes, sport, téléphone, bibliothèque. Je pourrais continuer comme ça longtemps, mais en gros... Oui, la salle de muscu... Alors voilà. Là, il y en a une qui regrette de ne pas avoir accès au terrain de foot. C'est... vraiment, je suis... Voilà, le port... Alors, il faut savoir pour ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire que ces djihadistes qui sont détenus, qui sont probablement d'ailleurs... Ce sont des meurtriers multiples, récidivistes, oui. Non, c'est plus grave que ça. C'est plus grave que ça. Ces gens appartiennent à des organisations qui sont déclarées par la France comme des ennemis, puisque la France a dit qu'elle était en guerre contre l'État islamique. Qui dit déclaration de guerre, dit statut de prisonnier de guerre. On est d'accord. Donc si tu es un prisonnier de guerre, ça veut dire que t'es pas non plus dans le 3 étoiles. On est bien d'accord. Or, ces gens-là, tu vois, c'est pas des prisonniers de guerre. On les présente pas comme des prisonniers de guerre. On les présente comme des gens qui ont mal tourné. C'est de droit commun. Ouais. Oui, oui, les pauvres, ils ont été traumatisés. Alors, moi, je voudrais attirer l'attention aussi, donc, dans l'article donc, de La Voix du Nord, hein, il est dit qu'il y a 5 unités de déradicalisation, hein, comme c'est indiqué. Dans l'unité de Lille, ils sont 7, les mecs. Je vous imagine ce que ça peut coûter à l'argent public. Donc, c'est-à-dire, tu as un bâtiment, tu as une infrastructure, avec des fonctionnaires, voilà, donc des infrastructures, sport, etc., le yoga, le sport, le cinéma. Sept personnes, tout le pognon qui est mis pour sept personnes. Voilà. Qui ont très probablement commis des crimes contre l'humanité. Oui, alors là, on se demande, l'objet qui est la déradicalisation, en voyant ça, je pense que ça va susciter des vocations, quoi, dans les Non mais attends, quartiers, attendez, le problème c'est que africanisés, ça va être, tiens, mais attends, vite, vite que j'aille tuer du monde en Syrie, que j'aille décapiter en me fendant la gueule, et puis après, quand je reviens, je vais au Club Med, quoi. C'est super, quoi. mais ça me fait marrer parce que moi j'étais à la fac, hein, comme quoi. Les maîtres d'extrême droite vont aussi à la fac. Et on n'avait même pas tout ça, tu vois, en première année. On n'avait pas de douche, c'était des douches collectives, les chiottes aussi, on n'avait pas de télé, évidemment. Ces mecs-là sont vraiment comme des coqs en pâte, hein, je suis jaloux. Non, mais le truc, c'est complètement fou. C'est-à-dire que on a des gens qui appartiennent à l'État islamique ou de toute façon des organisations djihadistes qui ont pratiqué des crimes contre l'humanité, qui ont commis des crimes de guerre, qui ont exécuté des civils, qui ont exécuté des prisonniers sans aucun ordre, sont des gens qui sont passibles des tribunaux à ce titre, et ce sont des gens qui sont acceptés en France, qui sont traités mieux que les prisonniers de droit commun, qui vraisemblablement auront des programmes de réinsertion, qui seront libérés extrêmement rapidement et qui seront lâchés dans la nature. Et ceci avec la caution du gouvernement français. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est Bah, que je crois que ça veut dire que la France est islamophobe et Oui, voilà, c'est tout. non, mais alors juste, je rappelle aussi que comment dire, je crois que ça s'appelait Abala, hein, l'égorgeur là du policier Oui, et de la femme devant les l'assassin, gosses. l'assassin. Oui, l'égorgeur, hein, qui a égorgé donc un couple devant leur enfant, donc en bas âge. Ce charmant maghrébin, hein, avait été ciblé comme étant donc élément actif d'une cellule de recrutement djihadiste. Et ma foi, bon, finalement, bon, on l'avait laissé dans la nature parce que c'est un gentil arabe. Les arabes sont tellement gentils, hein, ce sont tellement des créatures, voilà, qui sont inoffensives. Bon, bah, lui, il a voulu recruter pour aller en Syrie et tout. Bon, c'est une erreur de jeunesse, hein. Voilà, on l'a laissé dans la nature. Et, hein, il a fait commerçant, voilà, il a fait son petit commerce, épicier, voilà. Bah, au final, il a tué un couple de blancs devant leur enfant. C'est bravo. Moi, voilà, je pense qu'il faut vraiment dénoncer le complot contre l'islam en France, le complot islamophobe. Là, c'est C'est vraiment plus trop, c'est trop. supportable Ah toute cette discrimination, quoi. c'est vraiment trop, quoi. Moi, On n'en peut plus, on n'en peut plus. là, vraiment, c'est vraiment invivable. Invivable, c'est toute cette tension de l'État français envers les musulmans. Je ne peux que me solidariser de tous ces braves métèques. Évidemment. Mais je comprends pas, on a plein d'îles dont on ne sait pas quoi foutre, on a des hectares de forêt en Guyane. Pourquoi on n'envoie pas ces types là-haut, tu vois? On crée une Bah petite enclave. parce que t'es gouverné par des socialistes. Ouais. Ah, Non y mais. a quand même un sacré manque d'imagination. Hein. On pourrait faire un truc en mode un peu Guantanamo, ou même, comment ça s'appelait, là, Bah, les ça existait, hein. films. Guyane. Voilà, ça existait. Mais il faut les tous en bloc, putain, qu'est-ce qu'on est en train de perdre son temps avec ces gens-là. Non, mais Oui, bon, bah bien sûr. ça Qu'est-ce montre quand qu même qu'on un va peu mettre en le place? délire permanent dans lequel on est, je veux Oui, dire, au niveau voilà. de la politique. Et ces connards qui font des ronds de jambes devant les caméras après chaque attentat pour dire à quel point ils vont prendre des mesures fermes face au Ouais. terrorisme et la lutte contre la haine. Mais Voilà, ces d'ailleurs, connards font tout l'inverse, quoi. dès qu'il y a un attentat islamiste, vous remarquerez que tu as toujours le bon musulman, voilà, qui vient te dire que la première victime, ce sont les musulmans. Voilà, Ah bah oui, mais bien hein, sûr. voilà, qui vont les pauvres être ciblés par l'islamophobie. Oh là là, oh là là, qu'est-ce qu'on est plein, hein. C'est Ouais évident qu'en bah. France, depuis les premiers attentats, il y a des ratonnades massives de Ah musulmans tous les oui, jours. tous les jours, j'en vois tous les Tous les jours. Hein. jours. D'ailleurs, Je dis Ça ratonnades massives parce fait. que je Excusez-moi, le mais dis ça pas au fait. hasard. Parce que ça serait une réaction normale de colère populaire, justement, qu'il y ait des ratonnades massives. en France. Ça fait un petit peu 13 siècles. Ça fait 13 siècles, il y a un peu d'islamophobie quand même. Je sais pas savoir. Ouais, mais je veux dire, il n'y a pas de réaction du peuple. Moi, les musulmans bougnoules, etc., qui pleurent sur l'islamophobie, mais je rigole. Vous êtes, mais comme les juifs, des coqs en pâte en France, et vous n'avez pas vu le dixième, le centième, le millième d'une réaction de colère populaire contre vous. Et j'espère que ça changera, parce que il faut savoir ce que c'est qu'une tension ethnique et savoir ce que c'est qu'une réaction de colère populaire. Il n'y a pas aucun sentiment aujourd'hui de vraiment de haine et de colère dans la population française envers les musulmans. Donc arrêtez de chialer, s'il vous plaît, un peu de dignité. Il n'y a pas de Tu demandes à des sémites du Maghreb d'avoir de la dignité et d'arrêter de pleurnicher en même temps. Ouais, non, mais j'ai oublié. Ah, il faut une morale comme la fameuse conseillère municipale PS après l'affaire du Bataclan, la Marielle Thym, vous vous souvenez? Non. Marielle Thym se trouvait dans le Bataclan quand les terroristes là sont arrivés et ont ouvert le feu. Alors elle s'est cachée et sa première pensée dans une interview d'Europe 1, elle déclare que sa pensée était du fond de ma cachette. J'avais une pensée pour tous mes amis musulmans. Je me suis dit, ils vont encore s'en prendre plein la tête, les pauvres. Ben voyons. Non mais, elle était au concours de la chialerie nationale, c'est ça, c'était un concours. Ben c'est une conseillère municipale PS, hein. Bon, moi je voudrais réagir par rapport à ce que disait Fulbert, hein, cette conseillère PS. J'ai pas envie d'en rentrer, bon, c'est ce que je vais faire quand même, mais dans l'histoire de la gauche, qui sont les vrais racistes, hein, parce que c'est vrai que c'est un petit peu, voilà, mais c'est vrai, c'est-à-dire que la gauche, le PS, les soi-disant, en fait, c'est tout ça, c'est de l'arnaque complète, c'est-à-dire que les gens qui se prétendent égalitaristes voient les nègres et les bougnoules, donc dans ce cas, cette conseillère PS, comme étant incapables de la moindre volonté, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ne sont qu'animés par des forces extérieures. C'est-à-dire que quand ils commettent des actes criminels, terroristes, etc., c'est forcément, systématiquement de la faute de quelqu'un d'autre. Oui, c'est les déterminismes sociaux. Quelque chose qui est... Voilà, il y a déterminisme social, quelque chose qui est venu les pousser. C'est-à-dire que ces gens-là, qui se prétendent antiracistes, finalement, considèrent vraiment les nègres et les bougnoules comme des animaux dépourvus de la moindre capacité motrice cérébrale. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ne... Voilà, ils sont juste actés par des forces fantomatiques externes. Et donc, quelque part, les gens comme nous, d'extrême droite, entre guillemets, même si j'aime pas vraiment ce terme, mais les gens comme nous, qui sommes racistes de façon plus ou moins avouée, avons au moins la bienséance d'accorder à ces êtres inférieurs que sont les Africains et les Sémites, que ce soit du Maghreb ou juifs ou je ne sais quoi, ont au moins le mérite d'accorder à ces gens la capacité de penser et d'agir de leur propre chef. C'est-à-dire qu'en fait, les racistes que nous sommes, quelque part, avons plus d'estime pour ces gens, malgré ce que vous pouvez entendre hein, dans cette émission, n'est-ce pas, que les gauchistes et les gens voilà, qui se prétendent généreux et égalitaires, qui, eux, ne leur accordent absolument aucune capacité à se mouvoir d'eux-mêmes. C'est quand même impressionnant, c'est-à-dire que les gens qui prétendent parler au nom de l'égalité, au nom de l'antiracisme, en fait, ont une attitude qui équivaut à peu près à traiter ces gens-là, à traiter les nègres, les sémites, comme des sous-êtres complets, incapables du moindre mouvement. Des animaux. Par eux-mêmes. Voilà. Je crois que... Ouais, il faut le dire, quand même. C'est le régime dans son ensemble, hein. Moi, personnellement, je pense que tu prêtes trop de logique aux gauchistes. C'est plus quelque chose d'inconscient qui les perçoit un peu comme des enfants. Bon. Bah, non, mais c'est ça. Mais c'est-à-dire que même si c'est... Enfin, on est d'accord, c'est inconscient. Mais même si c'est inconscient, c'est-à-dire ces gens-là qui parlent d'égalité à tout bout de champ et qui accusent des gens comme nous de racisme méchant, méprisant, etc., sont en fait totalement... Enfin, voilà, c'est-à-dire pour eux, le nègre, c'est de la merde, mais oui. c'est quelque part, c'est codé, enfin, c'est sous-entendu, quoi. C'est sous-entendu, mais en même temps, il ne faut pas le dire. C'est-à-dire, c'est sous-entendu, mais il ne faut pas le dire. Donc c'est vraiment, enfin c'est une schizophrénie complète, c'est-à-dire que les gens, enfin les gauchistes égalitaristes sont réellement des malades mentaux. C'est-à-dire qu'en même temps, ils nous disent égalité, voilà, ce sont des gens comme vous et moi, les bleus avec le foot, on est de la même équipe, on est de la même couleur, etc., etc. Mais concrètement, dans la façon dont ils les expliquent, dont ils les analysent. Bah non, ce sont des gens inférieurs, bien incapables de faire quoi que ce soit par eux-mêmes. Mais ça tient pas au racisme. Ça tient à la mystique, marxisante des gens de gauche, qui est un espèce de un peu de christianisme extrêmement dévoyé, où ils voient les métèques forcément comme des victimes forcément innocentes, et comme des gens, les gens innocents sont forcément faibles, doux. Incapables, enfin, c'est vraiment les pauvres chéris. Mais je ne crois pas vraiment que ce soit du racisme de leur part. Ça, c'est ce que disent certains antiracistes de couleur quand ils veulent choper quelques allocations en culpabilisant un peu plus les blancs. Non, c'est encore du bon marxisme, de l'angélisme. Mais bon, c'est marrant quand même de le faire remarquer. C'est bien observé. D'ailleurs, alors du coup, ça me donne moi des arguments, des billes, comme on dit. Pour conclure sur la base de ce qui se passe au niveau de l'euro, parce qu'on n'en a pas parlé beaucoup, je pense qu'on a eu raison de ne pas en parler beaucoup, avec cette équipe de France qui s'achemine tranquillement hein, vers la finale, comme on dit. Hein, oui, mais non, victoire, ils sont déjà en finale. Hein. Oui, à mon avis, je pense qu'ils vont la gagner. Bon peut-être que je me gourre, hein, j'en sais rien. Et on a déjà senti comme un arrière-goût de pisse, c'est-à-dire que dans les tuyaux, il y a quoi ? Il y a la réaction, la réélection de l'outre innommable François Hollande, hein, cette espèce de grosse, poche de purulente. Et de l'autre côté, en fait, défendre à tout prix la France multiraciale qui est sur le bord d'exploser, comme dans tout le monde occidental, en fait. Hein. Et ils se disent ah voilà enfin on peut présenter un truc qui est vendable voilà alors voilà la France qui gagne hein, la France victorieuse la France africaine la France que tout le monde adore hein la France française voilà c'est ça et on sent bien que c'est en mouvement bon là j'enfonce un petit peu des portes ouvertes mais pour ceux qui subissent le torrent de chiasse, qu'est-ce que ça vous inspire quand même ? Qu'est-ce que vous en dites de... C'est parfaitement obscène, quoi. Hein. C'est-à-dire que tu as une équipe qui est vraiment remplie d'Africains, tu vois. Mais alors des nègres bleus, tu vois, c'est un bleu foncé, c'est terrible, quoi. Hein. Je sais pas, il y en a un qui s'appelle là Umtiti. Tu sens que pas très loin il y a quelques années les ancêtres gaulois ses ancêtres voilà ils pratiquaient le cannibalisme quoi c'est encore flagrant sur son visage hein. Donc voilà tu as ça tu les vois donc t'as les intervieweurs de TF1 qui s'amusent tu vois ils interviewent les nègres alors les nègres vas-y allez-y faites-nous un pas de danse donc tu vois t'as le nègre qui s'agite tu vois qui fait son truc de nègre quoi et voilà tout l'heure le journaliste qui est content qui a le sourire hein, et voilà les chroniqueurs sur les plateaux télé ah, que c'est merveilleux ah oh, des nègres qui font des pas de danse oh là là, la France, c'est merveilleux, oh là là là là là. Oh la vache, ouais. On en est à ce point-là, quoi. C'est en fait, les nègres vont sauver la France des Allemands, quoi. Oui, voilà. Ah bah c'est bon. Déjà fait. C'est voilà, déjà fait. Comme ce qui s'était passé à Marseille, hein, voilà, les Algériens qui avaient sauvé la civilisation hein, contre les hooligans russes. Là, voilà, on a la substance française, tu vois. Comment je fais si j'ai envie d'écraser la France sous une invasion germano-slave Et d'attraper, cher ami, tu n'es pas un patriote qui arbore le drapeau bleu, blanc, rouge et qui klaxonne dans ta voiture. Oh, quelle honte! En effet. Quelle honte! Ah non, mais ça c'est normal ça. Moi je suis un être humain encore. Je respire. Non, mais je suis un être humain, j'ai encore ma conscience. Après la demi-finale, bon, j'avais pas vu ça hein, jusqu'avant, mais après la demi-finale, là, qu'ils ont gagné. Ça avait des airs de finale déjà. Donc, t'avais les mecs qui klaxonnaient dans les rues jusqu'à. Mais non, mais je veux dire, je vous pose la question, c'est-à-dire que, qu'est-ce que ça vous fait de voir une masse qui n'a plus aucune volonté, parce qu'elle n'a plus de volonté cette masse. Oui, voilà, plus rien. C'est de la pâte de Goy, tu vois. C'est de la pâte. C'est-à-dire qu'ils sont là. Bleu blanc rouge gaga bouga. Et puis tu vois ouais, bleu blanc rouge des nègres, tu vois. Bleu blanc rouge. Moi je vois des gens comme ça. Hey, je te jure. Hey. Moi je crois que je vais moi je suis modéré là-bas, tu vois, mais je vais en envoyer un télégramme à Adolf Hitler, je vais lui dire revenir à hein, moi. Bah non mais. Mais ça c'est ta modération ça. Bon. Non mais je veux dire en plus tu as des écrits. Là, tu as des écrits de 1930 de certains auteurs. Charles Rich. Voilà, d'extrême gauche. Non, voilà, de certains auteurs d'outre-Rhin qui deviennent tout à coup de voilà, vraiment d'actualité. Tu as l'impression que ça a été écrit avant-hier. Bon, ça a été écrit en 1931, peut-être, tu vois. Mais par rapport à ce qui est à la situation de la France, oui, on en est là, quoi. C'est. Non mais c'est une colonisation d'Afrique. Ben c'est une colonisation, mais bon, voilà, avec les Français qui sont vraiment très très heureux. Ils aiment leurs nègres, quoi. Ouais, c'est, puis comment tolérer vraiment, comment ouais, ils aiment le nègre. C'est un amour inconditionnel. Hein, c'est. Voilà, c'est ça. C'est la passion du nègre. On en est à un empire trois couleurs, c'est ça. Bon, là, il n'y a pas trop d'Arabes dans l'équipe de France, mais on n'en est pas sorti. On n'est pas sorti de l'idée, tu vois, un empire trois couleurs, du caca colonialiste du 19e, début 20e. Quoi. Et ça donne raison à Cantona totalement qui disait que Deschamps était raciste. Hein, là, oui, bah oui, dedans, oui, hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Adil Rami, qu'il n'y a pas Ben Arfa, qu'il n'y a pas de Ben Yedder. Parce qu'on peut aller encore plus loin. Il y a Adil Rami quand même. Hein. Comment fait-on encore pour tolérer des Gaulois dans l'équipe? Bon, c'est vrai que Lloris et Griezmann, c'est les deux meilleurs de l'équipe. Bon, Giroud, on peut le tolérer encore, mais les autres, moi je comprends pas. Comment fait-on pour ne pas faire rentrer Kingsley Coman et qu'on fait rentrer André-Pierre Gignac? Enfin, on sent qu'il est totalement identitaire, là, Didier Deschamps. Hein. Tu te rends compte, ce raciste de Deschamps, ouais, il a ce que 7 nègres sur le terrain. Quoi. C'est insupportable. Non, puis on a l'apport culturel qui va au-delà de l'apport ethnique, parce que Oumtiti, il y a aussi des histoires de marabouts au Cameroun, etc. On tue des serpents, ou je sais pas quoi, des chèvres, il y a des sacrifices rituels, etc. Regardons un autre sport bien populaire, c'est le Tour de France. Le Tour de France, il y a 198 coureurs, il y a combien d'Africains? Deux maximum. Ouais, il y a deux, je crois. Il y a deux et je crois c'est que c'est un record mondial. Il y a deux et c'est pas un Africain qui va gagner cette année, je peux vous le dire. Bon. Mais c'est déjà en soi, c'est scandaleux. Hein. Enfin moi, ça me fait dégueuler quoi. Ah bah ouais. Enfin en tout cas, ils sont là pour faire joli, c'est le côté exotique, ça fait un peu le côté exposition universelle, c'est-à-dire ils sont montrés dans des cages, un peu comme les papous. Ouais, c'est... Non mais attendez, le Tour de France, mais vous avez vu où on en vient? Moi j'ai vu l'équipe de France quoi, l'équipe de France de rugby, tu vois. Mais pendant 1000 ans, tu vois, je veux dire, c'est une équipe, tu vois, les types, il y avait que des blancs, parce que depuis 3, 4, 5 ans là, les mecs, ils te foutent du nègre, et tu vas te retrouver avec une équipe de France à moitié nègre, et tu vois que c'est politique. C'est décidé politique. C'est là que tu vois la perversion du football spectacle et tout, où c'est fait pour embrigader. Ok. Ton équipe. C'est pas une équipe de foot. Attends. Moi, les mecs, parce que ce à quoi je suis en train d'insister, C'est des gens, tu vois, ils ont aucune conviction. La plèbe. Tous ces demeurés là qui sont en train de beugler comme des abrutis devant leur télévision. Là. Ils sont là, vive la France. C'est ça, ces gens comme ça, tu vois. Ils sont tous en train de beugler. Attends, ils ont un drapeau tricolore à la main. Ils savent même pas ce que c'est. Ils savent même pas d'où ça vient, tu vois. Tu vois. Bon, ils en savent rien, tu vois. Des dégénérés comme ça. Moi, ça me file la gerbe. Est-ce que je peux conclure avec quelqu'un qui est quand même brillant, qui s'appelle Bruno Roger Petit. Bruno Roger Petit, allons-y. Et c'est quelqu'un qui célèbre justement la victoire de cette belle équipe de France, vous savez, cette belle équipe de nègres. Est-ce que ça vous tente? Est-ce que je peux vous le dire? Ouais. On se fait plaisir. Vas-y. Ouvrez les guillemets. Hein. Il fallait voir ce jeudi soir la foule venue sur les Champs-Élysées célébrer la victoire des Bleus. Ce formidable rassemblement populaire dépassant les antagonismes, sans distinction de classe, d'origine, de culture et de couleur. C'était plus que la France Black Blamber, la France de toutes les Frances. Et tout cela grâce à deux buts de Griezmann, deux arrêts de Lloris, un centre de Pogba, la hargne de Sissoko et une victoire contre l'ennemi héréditaire en football. L'Allemagne est terrassée à l'image de son géant gardien de but Neuer. Il n'y a que le football pour offrir de tels rassemblements populaires, de ces moments de communion fraternelle transcendant tous les clivages, toutes les oppositions, toutes les haines. C'est peu, c'est beaucoup. Bon, chers amis, à la semaine prochaine, on verra bien, bah, du coup, si on a gagné ou si on a perdu. Hein, est-ce que la France... Si on gagne, ça veut dire qu'ils ont perdu. Hein, voilà. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, si la France française a gagné, ça veut dire qu'ils ont perdu. Et si la France, enfin, ce qu'il en reste, ou je sais pas quoi, les bamboulas ont gagné, ça veut dire que bah, c'est l'heure qu'on est en cul. Ouais. Ça fait, enfin, le Portugal, c'est pas Salazar non plus. Hein. Pas qu'il y a non, aussi, mais on s'en fout. Nous, on est dans le tactique là. Nous, on joue là. On est focalisé sur le politique local. Voilà, on fait du local là, quand même. Hein, tu vois. Non, on a compris. Hein, c'est pas l'arianité en action non plus, le Portugal. Bon, mais enfin, bref. Allez, à la semaine prochaine, chers amis. Bonsoir. Cheers.